Bonjour et bienvenue à présent à un entretien en compagnie de Jean-Luc qui a connu Bernard de Montréal et qui aujourd'hui me fait le plaisir de m'accorder son témoignage en lien avec lui. Alors dans un premier temps, bonsoir Jean-Luc, ça va bien? Oui, ça va bien, David. Ça va très très bien. Et je suis très content de pouvoir parler de Bernard parce que ça fait un petit moment, disons, que j'aurais bien aimé parler un petit peu de tout ce que Ben j'avais oui. vécu avec lui. Et j'espère qu'il me restera encore quelques bribes et que tout n'est pas parti dans l'âge, comme dirait l'autre. Oui, exactement. Donc, pour commencer à discuter, Bernard, quand est-ce a été le premier moment où tu as entré en contact avec lui? Il me semble que la première fois, c'était en 88, où j'ai fait un séminaire. C'était une période où il faisait relativement froid. Et j'avais connu d'abord parce que Daniel était venu sur la France. Et disons, j'avais assisté à une sorte de conférence que faisait Daniel. Et là, Donc, j'avais. ici, tu fais allusion à Daniel Ménard. À Daniel Ménard, oui. OK, donc, qui était venu en France donner une conférence, j'imagine, où il parlait du supramental. Oui, c'est ça. OK. Puis, suite à la conférence que tu as assistée, bien, ça t'a donné le goût d'en savoir un petit peu plus sur Bernard. C'est-à-dire qu'il il m'avait connecté. J'étais rentré en contact avec mon contact, avec mon double, et j'ai été assez choqué pour vouloir tout changer dans ma vie après cette expérience qui m'avait bien remué au niveau mental. Est-ce que justement, tu peux me donner un peu plus de détails sur ce qui t'a créé ce choc? Ben, ce qui m'a créé ce choc, c'est que quand Daniel m'a posé des questions et il m'a dit ne réponds pas avec ta mémoire et vois ce qui te vient, ben, il m'est venu, j'entendais tout un défilé d'informations et je lui ai donné toute l'information qui me venait parce que ça ne s'arrêtait pas. Et il avait quelqu'un à côté, je ne me rappelle plus aussi, c'est quelqu'un qui vit sur les îles actuellement, ou qui vivait sur les îles à cette période, qui vérifiait en même temps si ce que je disais correspondait à ce que lui entendait. C'est-à-dire que je suppose qu'il vérifiait avec son contact lui aussi, et on avait exactement le même écho vibratoire dans notre mental vis-à-vis des questions que Daniel me posait. OK, donc autrement dit, Daniel Ménard t'a amené à canaliser. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler canaliser. J'aime pas trop le mot canaliser, parce que ça me fait toujours penser à une gouttière ou un truc comme ça. Enfin, bon, c'est une sensation personnelle. Non, Mais mais c'est c'est correct. Daniel qui m'a amené à rencontrer. En premier le contact. Ensuite, il m'a dit, moi, tu sais, j'ai connu ça grâce à Bernard, et si tu veux faire un séminaire ou le rencontrer, tu peux le rencontrer en séminaire ou en conférence. Et j'avais décidé d'aller le rencontrer, donc en séminaire. Je crois que c'est les mois qui ont suivi, les deux mois qui ont suivi. OK. Puis le séminaire, c'était au Québec? C'était au Québec, oui. OK. Puis comment s'est déroulé ton séminaire? Ça a été dur. OK. Ça a été très dur parce que le début du séminaire, bon, donc j'ai rencontré Bernard qui a fait donc son information comme il faisait, et en même temps que ça, j'avais une chaleur qui descendait au niveau du de derrière le crâne, dans la colonne vertébrale. Et ça chauffait de plus en plus, ça chauffait de plus en plus, tellement qu'il a fallu que je sorte le deuxième jour, pratiquement toutes les demi-heures, tellement ça devenait insupportable, c'était brûlant. Je sortais en t-shirt tellement qu'à l'extérieur, comme il connaît, j'ai pas besoin de, comme tu connais, j'ai pas besoin de t'expliquer la température qui fait au Québec en hiver. C'est, j'avais envie de me rouler dans la neige tellement que j'avais chaud et j'en pouvais plus. Le temps que je refroidisse, et je re-rentrais dans le séminaire, enfin à ma place. Et là, j'avais en même temps la chaleur qui revenait. J'avais les gens à côté qui avaient chaud aussi, et les filles qui avaient à côté de part et d'autre de moi qui pleuraient. Je me disais, si ça finit comme ça, je sais pas ce qu'on va faire. Je vais pas Mais pouvoir est-ce que continuer. c'était la captation de la parole de Bernard qui t'amenait à ressentir cet état-là de chaleur? C'était la vibration, oui. C'était la OK, vibration de vibration Bernard, qui dégageait. essentiellement. C'est ce que je pensais parce que, dans le fond, en captant cette vibration-là, c'est sûr que toi, ça peut te mettre en vibration par rapport à ton propre double pour, dans le fond, te connecter psychiquement à son énergie. Parce Mais que, oui. une chose est sûre, c'est que j'avais eu un contact même avant Bernard et avant Daniel. C'était quand je commençais à faire mes études de médecine. J'avais voulu arranger une prise de courant sous un meuble où je ne voyais pas grand-chose, effectivement. Et j'ai pris une grande décharge électrique dans les deux bras qui sont restés un petit peu endoloris et paralysés. Pas longtemps, hein, mais bon, le temps de m'en remettre. Et j'étais à ce moment-là hyper tendu à cause des concours et tout. Et la réalisation, ce que j'avais, comment dire, perçu, m'avait fait changer complètement mon état, c'est-à-dire que j'avais absolument plus de tension. Quand je parle d'hypertension, je parle de 22 11 de tension, donc c'est de l'hypertension. Et j'étais passé à 12,8 ou 11,9, quelque chose de normal, après justement cette sorte de canalisation, de pré-canalisation, on pourrait dire, et de réalisation que j'avais pas besoin de m'angoisser comme ça, etc. Tout un mécanisme qui s'était ouvert à moi, sans parole, et sans qu'il y ait un double qui vienne parler ou quoi que ce soit. Donc en fait, c'est l'électricité qui m'a fait prendre le premier contact. Ensuite, il y a eu Daniel, et puis il y a eu Bernard qui a fini de me brûler tout le système neuronal postérieur. Oui, ben c'est sûr que ça participait à l'électrification du mental. Ah oui, ça c'est sûr. Mais par rapport au séminaire que tu as fait en 1988, est-ce que ça, dans le fond, à part l'impression de chaleur que tu as vécue, est-ce que tu as eu des prises de conscience particulières autres là, qui se sont manifestées à toi durant l'activité? C'est-à-dire que j'avais la sensation que je répondais aux questions dans la tête, ça se positionnait tout seul. Et tu sais que Bernard, pendant les conférences, expliquait à chaque individu quel était le rapport, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Enfin, il faisait une sorte de scanner à chaque individu. Et quand est venu mon tour, moi j'étais relativement, comment dire, prêt et friand et attentif. Hop, il m'a sauté, et puis il a continué, et puis il est revenu vers moi, puis il s'est mis à rigoler, et puis il a continué, il m'a rien dit du tout. Alors j'étais un peu frustré de ce séminaire, et je suis parti chez moi, et le problème après que j'ai rencontré, c'est le développement, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal pour pour dormir. J'avais des gros examens que je préparais. Et quand je demandais qu'est-ce que c'est qu'il faudrait que je travaille plus que d'autres, on m'a donné les trois sujets d'examen. Donc je les ai notés, mais je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est moi qui me raconte des histoires, je deviens un peu pimpin. Depuis que j'ai fait le séminaire, je suis pas stable, quoi. Et donc j'avais étudié tout le restant de mon programme, qui faisait à peu près 1,20 m de feuilles empilées, si vous voyez ce que ça veut dire comme quantité d'informations à engranger. Et le jour de mon concours, évidemment, sont tombés les trois sujets qui m'avaient été donnés. Ça a été le deuxième choc, parce que franchement, je me suis dit, tiens, c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Ce qui m'a permis, évidemment, ça doit être ça qui m'a permis d'avoir le concours, c'est que j'avais quand même regardé deux fois plus le restant qu'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant une bonne période que j'étais avec mon ex-épouse, je dormais très très peu, j'avais des grandes chaleurs, j'avais dans le dos, j'étais obligé de me mettre sous la douche ou dans le bain pour me calmer, pour arrêter d'avoir ces informations qui me tombaient dans le Oui, cadran. ben c'est intéressant. Je t'arrête là ici parce que j'ai vécu une expérience similaire à toi. Puis je sais que d'autres personnes aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on canalise, on reçoit de l'information, bien à ce moment-là, ça peut amener une électrification psychique qui occasionne de l'insomnie, de la chaleur aussi. Puis c'est intéressant d'étudier cette manifestation corporelle en lien avec le contact quand il se manifeste à nous, là, dans le sens que ça a de l'impact sur la matière. Là, c'est pas juste au niveau psychique ou effet placebo. Là, il y a vraiment une implication au niveau corporel en lien avec ça. Et après, disons que c'est vrai que ça a changé mon environnement. Tout a changé. Tout le système de couple, tout le système affectif, tout ça s'est transformé, et tout ça s'est un petit peu nettoyé, je dirais. Les mémoires ont commencé à s'estomper aussi du point de vue affectif. Heureusement, il me restait toutes les mémoires pour lesquelles j'avais étudié, ce qui m'a permis de faire pas mal de choses. Et notamment, j'ai fait une thèse de psychiatrie où j'ai pu parler de Bernard et de ses, comment dire, pas de ses théories, mais des nouvelles idées qu'il a menées. Et j'ai inclus ça dans ma thèse qui a été admise à l'échange international. Donc, ça a été quand même bien pris par certaines personnes, même si d'autres de mes professeurs n'ont pas assisté, notamment un prof de neurologie. Enfin, ça, bon, c'était pas bien méchant. Tous les psychiatres étaient là. Mais ça, je t'arrête ici, là, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est quand même particulier. Donc, toi, suite à ton contact avec Bernard, ça t'a mis en vibration. Tu as écrit une thèse en psychiatrie où tu abordais du matériel supramental. Et c'est sûr que c'est particulier parce que dans la psychiatrie, par exemple, le phénomène d'entendre des voix, parce que Bernard, après tout, ça disait des choses, puis tu sais, les forces me disent que. Ben, ça, c'était vu systématiquement, traditionnellement, par la psychiatrie comme étant une forme d'hallucination. Ouais, mais moi j'ai fait une thèse de psychiatrie sur les personnalités multiples. OK. Donc, ça traitait en même temps les gens qui sont, comment dire, alternativement pris en possession par une entité qui, par exemple, le cas d'une personne qui était prof de mathématiques, et pendant un an et demi, et qui s'est retrouvé dans la forêt, et qui s'est retrouvé nu dans la forêt et qui s'est retrouvé en tant que professeur de français. Et elle ne savait absolument rien des mathématiques et elle était obligée d'intégrer le même lycée en tant que professeur de français. Et elle est restée professeure de français pendant à peu près 5 ans. Et ensuite, il y a eu ce professeur de mathématiques qui est revenu, qui a repris sa place et elle est repartie. Ensuite, il y a les cas de ces gens aussi qui ont 2, 3, 4 ou 5 entités qui viennent les posséder et qui viennent prendre possession complète du corps de l'individu et vivre à sa place. Bon, il y a aussi les cas de ces gens qui sont pris en possession par moitié, où vous avez la moitié du visage qui est un homme, l'autre moitié qui est une femme. Donc, ça donne des voix, des visages déformés. Bon, j'ai fait une thèse là-dessus et ça a été beaucoup plus facile d'expliquer que la pensée venant d'ailleurs, les entités s'approchant de l'individu ou intégrant l'individu, c'était plus sous une forme, entre guillemets, pour bien faire comprendre, c'est une forme d'âme qui rentrait ou qui sortait. Et dans le cas où ça ne rentrait pas, il y avait la voix qui était quand même entendue par l'âme qui était en connexion. Et que souvent, il pouvait s'agir d'un frère jumeau qui serait décédé, etc. Donc, je ne vais pas vous refaire la thèse parce qu'il y en a beaucoup à dire. Mais c'était à peu près dans ce contexte-là que j'ai pu faire rentrer Bernard, notamment aussi dans les formes de possession mystique que j'ai rencontré avec des psychiatres qui m'expliquaient que leur patient avait rencontré le diable et que le diable les faisait boiter. Et ils arrivaient à la consultation en boitant. Et le psychiatre que je rencontrais faisait l'étude de son patient et du diable et s'apercevait que le diable était névrosé. Et donc il a traité le diable pour pouvoir faire en sorte que le patient sorte sans boiter. Et le patient sortait, il ne boitait plus. Et au bout de 3 mois, il revenait, il boitait encore, possédé par le diable, etc. OK, Donc il y avait. autrement dit, la possession revenait de l'entité, même si temporairement, il pouvait la neutraliser. C'est-à-dire qu'il ne la neutralisait pas, il lui faisait croire que ça serait plus intelligent que l'individu ne boite pas, comme ça il aurait davantage de forme ou de OK. pouvoir. Parce que le psychiatre, l'attitude du psychiatre, ce n'est pas d'aller dans le cheminement de l'individu, c'est de prendre en compte la pathologie, de l'expliquer et de la neutraliser. Disons qu'il y a des formes où je ne suis pas très, très d'accord, notamment sur les personnalités multiples, c'est de les fusionner toutes entre elles, alors que pour eux, c'est un éclatement de la personnalité, et donc ils réunissent toutes les personnes, toutes les personnalités en une, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, alors que moi j'étais beaucoup plus dans l'unification de l'individu en rejetant les personnalités qui n'étaient pas présentes à ce moment-là. Voilà, mais ça Exactement, c'est. mais pour conclure sur les personnalités multiples qui étaient l'objet de ta thèse, quelles seraient les pistes de solution pour neutraliser les souffrances que ça peut engendrer chez des individus, la présence de personnalités multiples? Un, c'est rencontrer la personnalité multiple. Parce que quand on arrive à la rencontrer, d'abord, c'est très difficile de rencontrer des personnalités multiples pour une raison bien simple, c'est que vous donnez rendez-vous à quelqu'un et ce quelqu'un, parfois, s'il change avec quelqu'un d'autre, il ne sait pas du tout qui lui a donné rendez-vous. Il ne se rappelle pas du rendez-vous puisqu'il y a des effets de mémoire oubliés. Et ensuite, il peut ne pas vouloir rencontrer la personne et qui lui a donné rendez-vous. Donc, c'était très difficile d'avoir un rendez-vous et d'avoir donc un traitement continu. Ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre la personnalité multiple, de regarder les personnes, plus que de parler ou de les voir, voir les entités qui possèdent l'individu. Moi, j'avais la possibilité de le faire. Donc, je pouvais voir les personnalités. C'est ce qui m'a valu en même temps de rencontrer une schizophrène aux États-Unis, Et cette schizophrène, on a pu voir ensemble la même cuisinière, si vous préférez, puisque je la décrivais, je lui disais, tiens, elle porte un tablier avec des grosses fleurs. Et la dame me dit, mais comment ça se fait que vous voyez exactement ce que je vois tous les jours, quoi? Et je lui ai dit, parce qu'il y a quelqu'un qui existe. Et du jour au lendemain, cette schizophrène, étiquetée comme ça par les médecins américains, j'ai rien contre les médecins américains, entre parenthèses, hein, mais du jour au lendemain, cette personne a arrêté son traitement et sa schizophrénie. Donc en fait, le fait de savoir que d'autres personnes peuvent voir ce qui se passe à l'extérieur traite l'individu. C'est souvent le fait de pas se. Parce qu'on vous dit en permanence que c'est vous qui créez le phénomène avec votre cerveau, avec les zones inconscientes de votre cerveau, que c'est vous qui créez le personnage, sans que vous le vouliez, que ce soit que c'est le, comment on appelle ça, l'inconscience de l'individu qui a en fait forme un être imaginaire. Or, pas du tout. Le fait de voir l'individu et de voir l'entité qui est à côté vous permet de guérir la personne, parce que la personne, elle voit soit le défunt, soit cet individu qui est agressif. Et vous, le fait de le voir aussi, vous pouvez l'interpeller, vous l'interpellez, vous lui posez des questions, vous lui demandez d'où il vient, pourquoi il fait ça. Ce qu'il faut éventuellement, quand vous rencontrez ces entités-là, vous leur donnez leur nom. Vous leur dites, toi tu t'appelles machin, machin chose, ou Bernard, ou Christian, tu es habillé en vert avec un pantalon comme ça. Il faut que, évidemment, vous le voyez. Et quand vous le voyez, vous arrivez à déterminer l'entité. Et là, vous voyez que l'entité commence à s'éloigner. Elle commence à trémuler un petit peu comme effrayée, comme un petit peu paralysée, Ben oui, parce sans qu'elle est parler. dévoilée. Donc, c'est sûr que si l'entité est dévoilée, tu la mets en lumière, ben elle, naturellement, elle va s'éloigner parce qu'elle ne pourra plus manipuler de manière occulte. Ouais, et elle s'en va. Et elle s'en Exactement. va, et ça permet en même temps de le mot guérir, j'aime pas trop, mais de libérer un petit peu la personne de cette entité-là. Parce que quand je faisais ce travail à cette époque-là, j'avais plusieurs personnes. Dès que vous les dégagez d'une entité, ils en reprenaient une autre. Donc c'était un petit peu un assistanat. Mais enfin, bon, là, on est loin de Bernard, parce Oui, que je souviens que mais c'est quand Bernard même des m'appelle. considérations intéressantes, là, dans le sens que, après tout, l'un des aspects du travail de Bernard visait la libération de la domination des entités puis d'assujettissement astral. Mais en effet, pour en revenir à Bernard, après le séminaire que tu as fait en 1988, est-ce que par la suite tu as assisté à ces conférences? J'ai assisté à pas mal de ces conférences. J'ai assisté à plusieurs de ces séminaires quand je le connaissais pour y amener ma femme actuelle. J'ai assisté à d'autres séminaires. J'ai dû assister à 4 ou 5 séminaires. Non pas parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, ou à trois. À trois, elle me fait signe. Bon. À 3 séminaires. Et non pas parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais pour retrouver un petit peu la vibration qui me manquait en France, parce que j'avais pas ce type de vibration. Et maintenant, chaque fois que on part au Québec ou on va à Montréal, juste avant d'arriver au Canada, je dirais une demi-heure avant en avion, on commence à ressentir la vibration. Et si on dort, clac, ça vous réveille et vous savez que vous êtes à une demi-heure des États-Unis ou une demi-heure du Canada. Et ça, c'est assez plaisant parce que vous vous rechargez immédiatement avec cette vibration. Et donc, pendant les périodes où j'allais voir Bernard, nous, on avait une petite fille et nous garder notre petite fille, puisqu'on habitait chez lui à ce moment-là. Mais voilà, en gros, c'était Bernard, il me disait, enfin, il nous disait, tu fais ce que tu veux, t'es ici chez toi. Bon, moi, ok, l'hospitalisation, c'est bien. Comment on appelle ça? L'hospitalité, c'est grandiose. Alors, je disais, je peux faire quelque chose sur l'ordinateur. Il me dit, oui, vas-y, vas-y, c'est à toi aussi. Donc, je commençais à taper sur l'ordinateur, il partait à droite ou à gauche, il partait dans le jardin, et puis il revenait, puis il me regardait. Je lui dis, tu le veux? Mais je voyais bien qu'il ne savait pas qui j'étais, ni ce que je foutais ici. Et puis, ça mettait un petit temps sûrement, il devait demander à son contact qui c'était ce bonhomme-là. Et puis, il me dit, non, non, ça y est, tu peux y aller. Ou alors, il me disait, attends, 30 secondes. Il se mettait à l'ordinateur, il allait sur la bourse, il achetait des actions, et puis, il me disait, ça y est, c'est bon, c'est fini. Et puis il remontait, il allait se coucher, et je le voyais revenir, bon, je ne sais pas, deux ou 3 heures après, il me dit, ça y est, il faut que je vende mes actions. Donc il arrivait, il reprenait l'ordinateur, il vendait ses actions, et puis il repartait tout content parce qu'il avait gagné 5 000 dollars. Et puis voilà, Mais moi j'ai ça, dit. je t'arrête ici sur cette anecdote. C'est-à-dire que lui, il recevait de son contact, de son esprit, l'information d'aller acheter ou de vendre des actions, là, comme ça, là. Oui, pour avoir de l'argent. OK. Puis quand que tu allais chez lui, c'était-tu dans les années 90? C'était dans les années 90, 2000. OK. Ah, ben c'est... Ça veut dire que s'il est mort en 2003, c'est quelques années avant sa mort, là, il devait être atteint du cancer à ce moment-là. Par contre, lui, il venait chez nous. OK. C'était à peu près dans cette période-là aussi, à peu près. Ouais, je n'ai pas toutes les années en tête, mais c'était dans ces périodes-là. Et il venait, donc là aussi, j'ai quelques petites anecdotes parce que sur mon site Facebook, j'ai mis des photos où il était chez nous en été. Donc, il était avec nous, et puis brutalement, le matin, il disait, tiens, je vais acheter un chapeau. Tu connais pas un endroit? Je disais, oui, si, je vais t'amener à un endroit pour acheter un chapeau. Et puis, on partait tous avec toute la famille acheter le chapeau. Il arrivait, il fonçait, dès qu'il voyait le chapelier, il fonçait vers la boutique. Il ouvrait la boutique, moi j'arrivais derrière. Il disait, je veux ce chapeau-là, qui était tout à fait en haut. Et il essayait, c'était exactement la taille, il payait, j'arrivais derrière lui, hop, j'y ressortais, je ressortais derrière, je n'avais même pas le temps de savoir ce qui s'était passé, qu'il était déjà dehors. Donc c'était assez rapide, Ouais, ben, les il achats était de ce. efficace. Donc, au lieu de magasiner avec la réflexion, puis dire, ah, je veux-tu celle-là, je veux-tu pas celle-là, ben lui, il avait instantanément la réponse, donc il allait droit au but. Ouais, il avait déjà son chapeau. C'est un petit peu comme quand il avait besoin d'aller dans un hôtel, il prenait le bottin avec les hôtels, il mettait son crayon, ça, il faisait la liste, comme ça, il suivait la liste, et puis clac, il s'arrêtait là, il téléphonait, et puis il disait, j'ai besoin d'une place, d'une chambre d'hôtel à tel endroit. Et en plein été, je peux vous assurer que pour avoir une place à l'hôtel, c'est pas aussi facile que ça. Et là, donc, il avait sa place avec les 3 ou 4 personnes qui devaient abriter. Et voilà, c'était la façon dont fonctionnait Bernard. Oui, bien justement, par rapport à la liste, ça me fait penser qu'on m'a déjà rapporté que par rapport au séminaire dans les années 80, vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient y participer, c'est qu'ils descendaient la liste des noms des gens qui s'étaient inscrits, puis ils sélectionnaient parmi eux autres ceux qui allaient assister au séminaire. Ah ouais, c'est possible. Moi, je n'ai pas entendu ce genre de choses. Je sais que Lui, il se racontait pas parce qu'il savait pas ce qu'il faisait, il savait pas ce qu'il avait fait. Il me parlait de Daniel, dont il s'inquiétait, il me parlait je sais plus de quoi il me parlait d'ailleurs, si, de choses qui l'intéressaient, de choses qu'il voyait sur le journal. Et parfois, par exemple, il lui est arrivé de me dire, tiens, qu'est-ce que tu penses de la beauté? Qu'est-ce que tu penses de ceci ou cela? Alors on commençait à parler, ça devait être, je sais pas moi, 19 h, à peu près, ou 18 h. On commençait à parler là-dessus, je donnais mon avis, il donnait son avis. On allait plus loin, on allait toujours plus loin, et puis on se retrouvait à 22 h à toujours y aller. Et puis à 3 h du matin, on était toujours en train de parler sur le même sujet. Mais moi, le lendemain, j'allais bosser à 7 h. Et donc, lui, il allait se coucher. Il dit, allez, je vais me coucher parce que toi, tu travailles. J'ai dit, OK. Puis, le temps de partir se coucher, de boire un coup, de se brosser les dents. Et hop, il revenait, il avait une autre idée. Il disait, oui, il y avait ça, ça, ça. Et ça repartait. Et on se couchait à 10 h 30. Et le lendemain, je partais faire les sismothérapies, c'est-à-dire les électrochocs aux patients dépressifs. Heureusement, ils n'étaient pas très, très, très, très éveillés à ce moment-là, parce qu'ils auraient vu que je n'avais pas beaucoup dormi. Et le soir, ça repartait. On repartait toujours dans d'autres formes de discussion, d'autres questionnements. C'était assez plaisant. Voilà. Alors, il y avait aussi des petites choses. Quand on regardait la télévision, j'étais à côté de lui et je tenais la télécommande. Et puis, je sentais dans ma tête comme quoi il fallait que je zappe, que je change de chaîne. Et je me dis, c'est bizarre cette histoire-là, qu'est-ce que ça vient de. Et puis je le regarde, lui il disait rien, je lui passe la télécommande, je lui dis écoute si tu veux le faire. Et puis il prenait ça, clac, il était tout content, et là il zappait sa chaîne. En Voilà. réalité, vous aviez reçu le même signal au niveau de la télépathie, dans le sens que l'esprit vous a mis en vibration pour changer la chaîne. Ouais, mais je pense aussi que c'est lui qui voulait que ça change, quoi. OK. Et donc souvent, il passait par d'autres voies pour informer la personne plutôt que de lui demander directement. Non pas qu'il était ennuyé, mais ça lui permettait d'aller plus vite. Et souvent, on avait des communications comme ça. Parce que ce qui se passait, c'est que quand on était en permanence avec lui, à côté de lui, c'est qu'on n'avait pas, on n'avait pas de, on n'avait pas de, comment on appelle ça, de pensée. On n'avait aucune pensée. On était complètement vide, comme des coquilles vides, tranquilles, relativement détendues, mais on n'avait pas de pensée. On avait simplement rien qu'un état de méfiance permanent. Enfin, moi, ce que j'en tire, c'est que quand j'étais avec lui, j'avais un état de méfiance permanente. Je me méfiais en permanence. Et pourtant, je l'adorais. C'est quelqu'un que vraiment j'aimais beaucoup parce que c'était quelqu'un de très respectueux. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il vous fallait au moment où il vous le fallait. Donc c'est quand même relativement exceptionnel et vraiment de très disponible, mais il ne travaillait qu'avec sa vibration, c'est-à-dire que dès que s'il y avait quelque chose qui lui plaisait pas, au niveau vibratoire, on le sentait tout de suite. Et notre petite aussi, qui avait à ce moment-là 5 ans, 2 ans, elle était. De temps en temps, il faisait la révérence. À 2 ans, moi, je n'avais jamais appris à faire la révérence à ma fille. Ça, c'est une chose acquise. Et je ne sais pas d'où elle sortait ça, sûrement d'une vieille mémoire, d'une vie antérieure ou savoir quoi. Et elle lui faisait la révérence avec la robe et tout ça, en soulevant un petit peu la robe, le bas de la robe et tout, là, claque, quelque chose d'assez bizarre. Bon, Donc, il y avait tout un tas de petites choses qui se passaient comme ça dans l'environnement. Mais donc, on se méfiait. On était en permanence vigilant vis-à-vis de nos vibrations, vis-à-vis du comportement qu'il fallait avoir, de la façon dont il fallait être avec lui, pour pas avoir à le pénibler, pour pas avoir à le choquer. Je sais que bon, j'y posais jamais de questions, ni sur mon avenir, ni sur son avenir, ni sur ce qu'il allait avoir. De temps en temps, il me disait: quand moi je serai malade, toi tu viendras pas me soigner. Alors, je lui disais: ok, moi je suis d'accord, parce que bon, c'est sûr que au point de vue réanimation, on aurait pu le sortir de là où il était, mais il m'avait donné l'information comme quoi il voulait absolument pas être réanimé et sortir de là. D'ailleurs, quand il nous a quittés, il nous a raccompagnés et on sentait qu'il se passait quelque chose. Il nous a dit au revoir et puis il nous a même embrassés. Et puis on s'est dit: tiens, c'est curieux. J'étais à 200 lieues de penser que c'était la dernière fois où je le voyais. Mais justement, la dernière fois que tu l'as vu, c'était en quelle année? C'est l'année de sa mort, je crois. C'est ça, hein? En 2003? Oui, il me semble que ce soit dans ces eaux-là. Hein. OK. C'est au moment où il allait prendre l'avion, où on l'avait accompagné jusqu'à l'hôtel, prendre l'avion, juin 2002, je ne sais pas, quelque chose comme ça. OK. Et depuis, enfin, évidemment, il m'a téléphoné peut-être, ou même plus du tout, je ne sais plus, parce qu'il me téléphonait souvent, moi je n'osais pas le déranger. Parce que bon, avec le décalage horaire, et puis bon, c'était pas toujours évident de le trouver, puisque en février 2003, à peu près, ouais. Ouais, quand on a perdu notre chat, c'était à cette période-là. Et c'est vrai qu'il nous téléphonait. Alors, ce qui était assez cocasse, ça aussi, c'est une petite anecdote, c'est que quand il téléphonait, d'abord, on était toujours là, évidemment, si c'était notre petite qui le prenait, qui avait toujours ses 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, et qui une fois l'avait au bout du fil, elle lui disait: je t'appelle Jean-Luc. Et Jean-Luc, c'est son père jusqu'à présent. Et donc elle venait me chercher. Et évidemment, dès que je l'avais au bout du fil, j'avais la vibration qui revenait, tu sais, la chaleur un petit peu que j'avais dans les séminaires ou que j'avais en contact avec, que j'avais peut-être moins en contact avec lui, mais que j'avais très en contact au bout du fil avec lui. Ça, c'était marrant de sentir cette vibration, cette grande vibration qu'il avait et cette capacité d'aller toujours plus loin, toujours plus au-delà de ce que l'on croit savoir. Des fois, j'avais, je sais pas moi, à l'époque, des prises de conscience, j'avais, je sais pas, une prise de conscience par semaine. Et donc, j'arrivais avec ma prise de conscience, j'étais tout content, un peu comme quand on a un gros cadeau qu'on vous fait découvrir. Et j'arrivais, je lui disais: ouais, j'ai fait une prise de conscience, et puis je lui expliquais ma prise de conscience, et puis il m'expliquait quelque chose qui allait au-delà de ça, puis je m'apercevais qu'en fait, ma prise de conscience, ça valait pas tripette. Ça valait rien du tout. C'était bien pour moi, mais il m'avait amené plus loin que ma prise de conscience. Et à chaque fois, ça faisait à peu près le même mécanisme. Alors, c'était assez rigolo. Donc, j'étais content d'amener ma prise de conscience, comme on amène des fleurs à sa femme. Et on attend le câlin. Là, j'attendais la fessée, quoi. J'attendais le fait qu'il allait me raconter quelque chose qui allait au-delà de ça. Et puis, de temps en temps, comme il était chez nous, il regardait, mais il me disait: qu'est-ce que tu écris? Alors, je disais: j'ai écrit ma thèse. Et donc, il avait regardé la thèse. Et puis, il me dit: mais là, ça, c'est pas ta thèse. Je dis: non, j'écris mes prises de conscience. Ah, il me disait: ouais, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je dis: mais tu l'as pas lu. Tu n'as pas besoin de le lire. C'est intéressant. Et puis, il me dit: quand tu feras des conférences, tu m'inviteras, je viendrai. Je me mettrai au fond, je viendrai. J'ai dit: ça, c'est hors de question. que moi je fasse une conférence et que toi tu sois au fond, parce que j'oserais jamais faire une conférence avec toi au fond. À un moment donné, tu vas me couper la parole, c'est évident. Et je me sentirais pas à l'aise, puisque j'étais pas fondamentalement à l'aise. Le fait qu'il me dise, toi, je viendrai à tes conférences et je me mettrai au fond et j'écouterai ce que tu dis. Ouais. C'était chaud, quoi. Mais finalement, est-ce que tu as donné des conférences où il était là? Mais non, il m'a dit OK. ça, il n'a pas pu assister à mes conférences, puisque celle que j'ai donnée au Québec, il n'était pas là, il était déjà décédé. Et OK. celle que j'ai donnée en France, il donnait les siennes à Montréal. Alors peut-être qu'un de ces jours, il apparaîtra sous une forme ou une autre, mais la dernière fois, au Québec, il n'était pas là, ça je peux vous l'assurer. OK. Mais sinon, par rapport aux conférences, quand il venait chez toi en France, est-ce que tu assistais aux conférences qu'il donnait en Europe? Ah, il donnait pas de conférences en Europe, il venait pour se reposer, il Ah, venait pas OK. pour des conférences, Parce qu'en non. réalité, en Europe, c'était juste Daniel Ménard qui avait donné des conférences. Ouais. OK. Lui, il n'en avait pas donné. OK. Lui, je crois qu'il a donné une conférence peut-être à Paris, Bernard, mais c'est tout. Puis il n'a pas du tout aimé, pas du tout aimé. Il ne voulait OK. pas rencontrer pratiquement aucun de des gens que je connaissais en France. Il voulait nous rencontrer qu'à nous. OK. J'ai essayé de lui dire ou d'inviter des gens à venir. Ils ont toujours eu des problèmes pour venir. Ils n'ont jamais pu venir. OK, donc il y avait des oppositions qui étaient Ah là. oui, il y avait des oppositions. Ouais. Des choses qui étaient rigolotes aussi, c'est que quand on se promenait comme ça en voiture une fois, on dit tous les deux, je roulais, puis il me disait, tiens, on va s'arrêter là, on va aller manger. Je lui dis, mais tu sais que il y a ma femme qui nous attend à la maison. La tienne aussi, il y a ta fille, et elles nous attendent pour manger. Ah bon? Eh ben, je dis oui, bon, ben, on va manger alors. Donc on reprenait la voiture, puis on partait. On ne s'arrêtait pas au restaurant pour manger comme ça, au pied levé. Il n'était pas habitué à ce qu'on l'attende pour manger. C'est assez rigolo. Mais est-ce que, vu que, de ce que je comprends de ce que tu décris, des anecdotes depuis tantôt, c'est que j'ai l'impression qu'il vivait des pertes de mémoire où il n'y avait pas la mémoire comme tout le monde, là, par rapport à des gens. Il n'avait pas la mémoire du tout, du tout, du OK. tout. Par exemple, pour ses filles et pour sa femme, il avait pris des photos pour se souvenir de qui c'était, c'est-à-dire ma femme, ma fille, et il avait pris des photos de nous pour savoir qui on était. Hein, c'est particulier parce que Oui. en rencontrant quelqu'un, il vous dit bonjour. Alors, il vous donnait des pseudonymes ou des sobriquets uniquement parce que la vision de votre profession ou de votre programmation lui donnait le sobriquet et l'information sur l'individu. Mais il ne savait pas du tout comment vous vous appeliez. Moi, il m'appelait Docteur Chocolat. Parce que l'endroit où on a déménagé, c'était l'endroit où il y a Lindt, le grand chocolatier mondial, et ça sentait le chocolat. Mais je pense qu'il n'y a jamais mis les pieds. Et puis, bon, comme j'avais mon doctorat, ça devait se voir sur mon âme ou sur mon corps que j'avais le doctorat. Donc il avait fait l'association entre ce que j'allais devenir, où c'est que j'allais habiter, et puis ma profession. Mais après, il entendait ma femme m'appeler, donc après il m'appelait Jean-Luc, mais sur le coup c'était Docteur Chocolat. Ah, c'est intéressant parce que dans une de ses conférences, Bernard, il racontait comme anecdote qu'il était avec des gens, puis il était venu le moment de présenter sa femme, puis il se rappelait plus de son nom. Ouais, mais c'est ça. Il oubliait complètement le nom. Complètement le nom. Complètement tout un tas de choses. Il oubliait même d'aller aux toilettes. Il fallait on lui disait qu'il fallait le faire une fois par jour. Donc, presque, c'est quand on y allait qu'il y allait parce qu'il s'en rappelait. À ce moment, enfin, il s'en rappelait. Il voyait qu'il fallait le faire. Donc, il n'avait pas la notion. Si on ne mangeait pas, il n'avait pas la notion. C'était, je pense que c'est son contact qui devait l'informer de ce qu'il devait faire. OK. Parce que dans le fond, j'ai eu un entretien avec un séminariste qui me racontait que Bernard n'entretenait pas nécessairement son corps, dans le sens qu'il fumait beaucoup. Il était comme coupé de l'aspect plus physique, corporel. Donc. Ouais, quand je l'ai connu en séminaire, il fumait pas mal. Il coupait ses cigarettes en deux, il en demandait aux uns et aux autres, mais il finissait pratiquement pas. Mais bon, il a eu une bronchite chronique avec une insuffisance respiratoire par les derniers temps, mais il faisait du sport tous les jours, enfin il faisait du sport, il marchait tous les jours pour justement garder quand même une capacité respiratoire et ça lui a permis de se réadapter à l'effort et de ne pas être si diminué que ça. Par contre, il ne pouvait pas prendre trop de nourriture, puisque une fois, il nous est arrivé, quand on était au restaurant avec lui, il adorait les pâtes avec de la bolognaise. Et les pâtes augmentent le CO2, c'est-à-dire la quantité de gaz carbonique dans le sang, et aggrave donc son hypercapnie, sa quantité, sa fonction respiratoire, si on veut. Et donc, il mangeait ça avec appétit. Moi, je disais rien parce que je n'avais rien à dire là-dessus. Moi, il ne fallait pas que je m'en occupe, tu vois. Donc, je le voyais manger et puis je le vois sortir. Et en fait, il allait vomir dehors et hop, il re-rentrait à l'intérieur pour continuer à discuter avec nous et à vivre avec nous. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il faisait un tas de choses comme ça pour se garder en vie, mais il le faisait discrètement, quoi, sans jamais avertir qui que ce soit. Une chose aussi qui était marrante, c'est que de temps en temps, on était en train de plaisanter parce que je pouvais mettre sur Facebook là, les fois où il plaisante, où il rigole. Le fait de rire, il me disait, je m'arrête, je sors. Bon, je me suis dit, je l'ai trop fait rigoler, ça ne doit pas bien aller, je ne sais pas, il doit être malade, ou il ne doit pas bien respirer. Puis il revenait, puis il me disait, ce n'est pas pour toi, c'est parce que quand je ris, j'ai des boules qui sortent, au niveau du cou, au niveau de la tête, j'ai des boules qui sortent. Je ne peux pas rire beaucoup, donc je suis obligé de mesurer le rire, et sinon ça me fait mal. Voilà, ce sont des choses qui sont assez particulières. Oui, exactement. Puis sinon, en lien avec Bernard, est-ce que tu as vécu des expériences paranormales par rapport à ces rencontres? Des expériences paranormales, à l'époque, oui. Ça paraît bizarre, tout ce qu'on a vécu, mais qu'est-ce que je pourrais, en dehors la nuit, on avait des sortes de, on appelle ça, des sortes d'arc-en-ciel au-dessus de la maison, des ovnis qui ont atterri dans un champ à côté, qui ont brûlé tout le champ. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des tas de petites choses comme ça qui font que, bon, on se demandait qu'est-ce qui allait nous tomber sur la tête, quoi. Mais sinon, c'était relativement tranquille. C'était essentiellement des petits détails, des petits événements, comme par exemple, il met le véhicule, il montait son comment on appelle ça, un motorisé, derrière notre maison, et il s'est embourbé derrière notre maison. Donc j'ai appelé le propriétaire qui était un agriculteur et qui était en même temps le maire, qui est allé l'engueuler, très, très agressif de s'être mis derrière alors que lui, il n'avait pas autorisé ni quoi que ce soit. Bernard n'a rien dit. Il a dit, OK, vous avez raison. Je ne vous ai pas demandé la permission, j'aurais dû, mais je ne savais pas. Hein. Bon, il n'a rien dit. Donc, il a retiré avec le tracteur le motorisé, il l'a remis devant et il a demandé s'il pouvait se servir de l'eau. Donc, il a donné de l'eau. Et en fait, l'individu qui lui avait crié après, donc cet agriculteur, a eu pendant un an une sciatique. Il n'a pas pu marcher pendant un an. Et pourtant, il adorait Bernard. Il n'a pas pu marcher pendant un an. De la date du moment où il est parti jusqu'à l'anniversaire suivant. C'est assez rigolo. Ouais, ben peut-être pas pour la personne là, mais Non, pour la personne, en fait, mais c'est assez. ça, est-ce que ça y a créé un choc énergétique à ce moment-là? À qui? Dans le fond, l'agriculteur d'être en contact avec la vibration de Bernard comme ça? Je sais pas, c'est peut-être plus un choc karmique qu'un choc énergétique, mais le fait est, c'est que il a été obligé de se mettre en maladie parce qu'il était bloqué, quoi. OK. Parce que c'est sûr Après, que. Ah, OK, ben c'est intéressant parce qu'il me vient en tête que dans le fond, lui, il a voulu envoyer une énergie à Bernard. Bernard l'a pas pris, fait que l'énergie comme négative est retournée contre lui. ouais, il se l'est gardé. C'est ça. Totalement. Ouais. Mais sinon, par rapport à Bernard, vu que tu l'hébergeais chez toi, est-ce que ça changeait la vibration de ta résidence? Non, je n'ai pas la sensation. OK. Une petite anecdote, c'est que quand une chose qui était assez rigolote, c'est que on lui demandait, par exemple, ma femme lui demandait s'il voulait, je sais pas, des carottes râpées ou des poireaux. Lui, il disait, oui, ça m'est égal du moment que ce ne sont pas des brocolis qu'il ne supportait pas. Et donc, elle partait avec son idée de carottes râpées ou de poireaux, et elle revenait, je sais pas, l'équivalent de pâtes, donc quelque chose qui n'avait rien à voir, et tout le monde mangeait les pâtes et on ne pensait plus du tout aux carottes ou à quoi que ce soit. Et lui, il n'avait pas la notion de ce qu'il avait demandé ou de ce qu'il avait voulu auparavant. Ce sont des petites anecdotes comme ça. Mais sinon, vibratoirement, dans la maison, je crois qu'il n'y avait rien de particulier, sauf évidemment les fois où on était en train de parler pendant des heures, où on échangeait des points de vue, où on échangeait des points de vue politiques, des points de vue toute forme, de toute chose. Et c'était essentiellement plus sur des états de conscience que ça se passait que sur des états de contact. Oh, peux-tu m'expliquer la distinction entre les deux? Mais dans un état de contact, vous posez la question à votre double, vous lui dites qu'est-ce que c'est la beauté, il va vous répondre, il va vous expliquer que c'est un accord vibratoire avec votre âme, et c'est l'équivalent de vous-même prolongé à l'extérieur. Et donc c'est vous-même que vous reconnaissez en tant qu'âme, par exemple. En tant que quand vous appliquez un état de conscience, vous regardez ce que c'est que la beauté, c'est-à-dire vous imaginez quelque chose que vous aimez, de beau, un cadre, et puis vous essayez de voir qu'est-ce que c'est qui fait que ce cadre vous sied bien. Alors vous allez voir que l'image vous relaxe parce que ça vous rapporte à une mémoire quand vous étiez plus jeune, que les couleurs créent une musique dans votre mental et donc vous berce d'une certaine façon, que la façon dont tout ça s'harmonise et que tout ça est en harmonie vous permet de trouver ça beau parce que ça vous relaxe l'esprit, par exemple. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Il y a quelque chose que vous ne connaissiez pas auparavant, qui était l'information sur ce qu'est la beauté, et l'autre chose qui est le fait de trouver quelque chose par soi-même, tranquillement, en avançant progressivement, comme un outil. C'est en fait un outil, la conscience, qui vous permet de détailler et d'approfondir tout ce qui se trouve dans ce que vous devez exploiter. Par contre, la réflexion ou l'intelligence d'un système, ça, vous verrez la chose beaucoup plus globalement. C'est-à-dire, vous regarderez le cadre, vous direz, ouais, c'est joli parce que c'est bien peint, parce que il y a des formes extraordinaires. Vous allez trouver d'autres choses qui sont en harmonie avec votre émotionnel. Et c'est plus dans votre système intelligent qui va vous faire remonter un système de réflexion. OK. Ça se comprend les trois formes là? Ouais, ben, dans un premier temps, de ce que j'ai compris, c'est que quelqu'un peut parler avec son double, puis il va détailler c'est quoi la beauté, puis il y a un autre état où ce que la personne va plus être en présence de la beauté, puis vivre une espèce de paix de l'esprit, d'expérience d'épiphanie, puis savoir. C'est ça? Disons que les états de conscience ou la conscience, ça vous permet d'avancer et vous n'avez plus de mémoire derrière. C'est-à-dire que ce que vous trouvez au fur et à mesure que vous détachez de votre mémoire et de vos critères, fait que vous avancez tranquillement dans un système réel, dans une sorte de réalité. La conscience permet d'entamer la réalité, de plonger dans la réalité. Ça permet quel que soit l'endroit où vous tournez, d'avancer, toujours d'avancer. Avec un état de conscience, on avance toujours. Avec un état d'intelligence et de mémoire, vous avez toujours un état de feedback et de retour. Avec la conscience, vous avancez, mais vous n'avez plus de mémoire, vous n'avez plus de sentiments. Je ne sais pas si ça se dit, vous émeut. Enfin, vous n'avez pas d'émotion et vous n'êtes pas ému de voir quelque chose. Vous n'avez plus de sensation d'émotion non plus. Vous vous déshumanisez, vous n'avez plus de forme d'ego. C'est plus l'individu qui regarde le tableau, c'est on avance dans le tableau que l'on regarde. OK, ben Et c'est plus impersonnel. c'est totalement impersonnel, ouais, c'est ça. OK. Puis pour ce qui est de Bernard, comme tu l'as connu dans les dernières années de sa vie, parce qu'il était quand même atteint d'un cancer important, Ouais. est-ce que la maladie avait de l'impact là, sur son moral, son humeur? Mais j'ai pas trouvé qu'il y ait eu un impact, sauf les derniers jours où on lui a donné de la morphine et où il voyait des drôles de choses dans les escaliers. Mais sinon, non, il n'y avait pas Quand il y avait quelque chose, il posait la question à son contact, il demandait est-ce que ça va, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Et puis il disait tout va bien, tout va bien. Donc, tout va bien, donc il n'y avait rien à faire. Non, il n'y avait absolument pas de forme il se plaignait pas. OK. Je m'en il se plaigne. Non, il n'y avait pas de problème. Il y a une autre anecdote. On devait partir avec lui. Il m'avait dit, je vais te faire visiter New York. Je connais bien New York puisque j'ai été chauffeur de taxi là-bas. Donc je connais bien New York. Je vais te montrer un petit peu où c'est que j'ai dirigé les hôtels, où c'est que j'ai dirigé enfin, les restaurants. Et le jour où on devait partir, la veille, il me dit, je suis fatigué, c'est pas le jour, c'est pas le jour, je peux pas vous amener là-bas. Bon, ben, non, j'ai dit, on ira un autre jour, une autre fois, c'est pas gênant. Et c'était le 11 septembre, ce jour-là. OK. 11 septembre 2001, où est-ce que les attentats terroristes qui ont heurté les deux tours du World Trade Center? C'était la veille où on devait y aller. C'était ça. Le 20 mai, je sais plus. Bon, voilà, on se serait trouvé très, très, très mal. Surtout avec la poussière qu'il y a eu Oui, pour les deux. exactement, là, suite à l'écroulement des tours, là. Fait que ça, c'est un autre aspect, dans le sens que c'est sûr que si son esprit est en contact avec la programmation planétaire, ben ça peut être possible de lire l'événement choc qui allait survenir là, en préparation. Là. Ouais. Ouais, mais il a été au courant, hein, de ça. Mais, tu vois, une autre fois, quand on était chez lui, il sort et puis il se fait piquer par des frelons. OK. Il se fait piquer sur la tête par les frelons. Il y a même un frelon qui le pique en haut de la tête. Moi, je sors, je lui dis, ça va pas. Il dit, ouais, tu parles trop, tu parles trop. J'ai pas parlé encore. Je me suis fait piquer par un frelon. Je lui dis, j'ai rien dit. Voilà, ça c'est une anecdote qui était assez rigolote. Je voulais te raconter. C'était court. On ne sait pas à quoi ça sert. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais ça te montre que bon, c'était comme ça. On le vivait au moment. Ah ouais, un autre truc. Il était sur le bord de la piscine et puis il me dit, tu crois pas que si tu prends de l'élan, tu cours très vite et tu peux traverser la piscine en marchant sur l'eau et aller de l'autre côté. J'ai dit, tu te fous de moi ou quoi là? Parce que là, si je passe là-dessus, même en marchant très vite, j'arriverai jamais à marcher très vite et à passer de l'autre côté de la piscine. Je vais m'éclater sur l'autre bord. C'est hors de question que je fasse ça. Voilà les anecdotes. Oh, il me dit, bon, c'est pas grave. Voilà. Mais sinon, par rapport au fait que tu l'as connu dans ses dernières années de vie, là, de manière plus personnelle, parce que vous êtes allé chez lui et vice-versa. Est-ce que par rapport au cancer qui était atteint, vu qu'à un moment donné, il était rendu en phase terminale, comment qu'il prenait le fait qu'il était sur le point de mourir? Moi, je l'ai pas assisté au dernier moment, hein. OK. Donc j'étais pas là, je peux pas répondre à ce moment-là. Je ne sais absolument pas puisque j'ai été surpris de la rapidité avec laquelle ça s'est passé. Je sais ce que m'a dit Elisabeth, sa femme, c'est que quand il était dans le lit, il était super content. Parce qu'il disait, ils sont tous là, ils sont tous là. Il parlait de tous ses doubles, enfin de son double et puis des formes intelligentes qu'il y avait autour de lui. Et il disait, ils sont tous là, ils sont tous venus, ils sont tous là. Il était super content. Et donc il est mort heureux, je peux dire. OK, donc autrement dit, au moment de son décès, il y avait des êtres qui l'accompagnaient dans la transition, qui se sont Ouais. manifestés, en Les êtres de présence. lumière étaient tous là. OK. Ce qu'il avait dû connaître. OK. Puis, sinon, par rapport à Bernard, parce qu'il y a déjà eu un séminariste qui m'a dit, là, en fait, c'est Donald Moses, que Bernard disait qu'il était un Melchisédèque. Je ne sais pas si, par rapport à toi, il t'a fait une confidence dans ce sens-là. Disons que c'était un initié, et c'était Melchizedek, effectivement, qui au début ne le savait pas et qui s'est découvert au fur et à mesure de ça très rapidement au cours de sa fusion, quoi. Et l'effet de la fusion fait que c'est sûr, on a une charge, un poids. Et d'ailleurs, un petit conseil là pour les gens qui ont qui contactent leur double, quand celui-ci il se met à parler, plutôt que de le garder, ce qu'il m'avait dit pour m'alléger, pour moins fatiguer, si par exemple, quand on fait une conférence de 2-3 heures, c'est que il faut l'imprimer dans le papier. Par exemple, vous prenez un stylo et puis vous grattez sur votre papier, de façon à ce que la vibration passe au travers de votre bras et soit évacuée. Non pas mettre un mot ou quoi que ce soit, vous pouvez faire ce que vous voulez, faire des dessins, mais ça permet à la vibration de continuer, de ne pas être retenue. Parce qu'être retenu, automatiquement, ça amène une mémoire. Et amener une mémoire, ça fait baisser la vibration. Et donc, ça vous fatigue de remonter la vibration en permanence pour revenir à l'état où vous étiez pour redémarrer la parole ou maintenir la parole. Donc, c'est un moyen, c'est un peu comme si vous aviez une charge électrique, une charge électrostatique, et que pour pouvoir en prendre d'autres, ben, vous laissez passer l'électricité sans la garder. C'est une des techniques qu'il m'avait donné pour pouvoir faire mes conférences et pas fatiguer. Et effectivement, j'ai pu arriver jusqu'à 4 à 6 heures à faire des conférences sur le contact sans fatiguer. Ouais, ben Deux jours c'est après, j'ai fatigué. Mais OK. bon, je suis fatigué, mais pas sur le moment. Oui, ben c'est intéressant ce que tu mentionnes, dans le sens que de faire l'écriture automatique, ça me fait penser, il avait fait un enregistrement là-dessus, Bernard, où il parlait de l'écriture automatique. C'est sûr qu'en utilisant le crayon, ben le crayon va prendre la surcharge d'énergie au lieu que on soit sous tension à cause de ça, là. Ouais. Ça crée un output, ça crée une sortie à l'excédent d'énergie, ouais. C'est une bonne technique. Oui, exactement, exactement. Sinon, y a-t-il d'autres, justement, techniques ou des conseils pertinents que Bernard t'a fournis au fil du temps que tu aimerais nous partager? Il faut que ça remonte, c'est surtout ça, parce que moi, au fur et à mesure, j'ai oublié des tas de choses. En fait, ce qui me disait, c'est de ne pas m'occuper de tout ça, de vivre ma vie, de vivre ma programmation comme ça devait se faire, et de ne pas m'occuper de me mettre en initiation, de ne pas me... de faire comme un individu normal. OK. C'est-à-dire de vivre tranquillement ma vie, de faire de manger, de boire, de me déplacer, de ne pas me préoccuper du contact. Que c'est le contact qui, lui, te contacte, te prend en charge, c'est lui qui te fait évoluer, c'est lui qui te transmute, c'est lui qui fait tout le travail, et que ça sert à rien de prier sans arrêt avec des informations. J'appelle ça prier parce qu'il y a des gens qui se les remâchonnent, qui essaient de les suivre comme ça. Ça sert à rien. Parce qu'on se retrouve dans un état où, moi aussi, j'ai essayé de suivre des informations, mais on s'aperçoit que dès qu'on lâche la vigilance que l'on a, on retombe à l'état de base. Et s'il n'y a pas une transmutation, s'il n'y a pas une modification de l'individu, on n'arrivera pas à évoluer. Et c'est le contact qui fait évoluer. En gros, c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, que je n'avais pas de souci à me faire là-dessus, que c'est le contact qui décide de nous faire évoluer ou pas de nous faire, ou de ne pas nous faire évoluer, de rentrer en contact, de nous donner de l'information. Et ça se passait comme ça. Après, pour les visions, les sensations, ça se place ou ça ne se place pas. Il faut l'utiliser dès qu'on n'a plus de mémoire. Par exemple, moi je vois quand je suis avec mes confrères, ils me parlent de choses, ou ils me parlent de noms, ou ils me posent des questions sur un nom ou sur une technique dont je ne me rappelle absolument pas. Et je suis obligé de faire appel à mon contact pour qu'il m'informe. Et parfois, ça vient 5-6 minutes après. Donc, je leur donne 5-6 minutes après l'information, alors que c'est déjà un petit peu reparti. Donc, il faut utiliser le contact uniquement quand vous êtes dans la difficulté qui est liée à son emplacement, qui est liée à l'emplacement du contact dans votre mental et qui vous empêche le libre accès à la La mémoire. mémoire, ouais, c'est Parce que ça. parfois, il m'est arrivé de devoir techniquer des gens en devant injecter des produits. Et je ne connaissais plus absolument plus les doses. Et donc, il a fallu que je demande à mon contact qu'il m'informe sur les doses. Et là, ils m'ont informé sur les doses. Et puis, je me suis rappelé les doses. Et là, ça a pu fonctionner. Donc, il faut se servir du contact pour se sortir des moments difficiles. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Si vous voulez vous en servir tout le temps, vous pouvez vous en servir tout le temps. Mais bon, ça prend la tête à force. Non, non, Si mais je vous voulez pas. comprends très bien, mais c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que c'est très concret dans le sens que ça peut arriver à tout le monde, par exemple, de rencontrer des groupes d'amis, de personnes que ça fait des années qu'on connaît, puis on est devant eux, puis on se rappelle plus de leur nom, des choses comme ça. Fait que moi, c'est sûr que des fois, j'ai quasiment le goût de faire un peu de théâtre, là, tu sais, ah, bonjour, comment ça va? Puis je fais ça, tu sais, Bon, on meuble. c'est ça, là, il y a une retenue d'information du nom de la personne, puis il peut y avoir un décalage, là, c'est sûr que c'est désagréable, ouais. Ouais. Mais bon, ça permet de garder quand même une socialisation. Parce que sinon, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on se retire un petit peu de l'environnement. On a de moins en moins d'amis. Moi, les seuls amis que j'avais, c'était Bernard. Et depuis qu'il est parti, j'ai plus personne qui me téléphone en tant qu'ami. J'ai eu la triste surprise de son décès, bien que je m'y attendais. Mais c'est comme ça, au fur et à mesure que vous évoluez, votre environnement évolue avec vous. Et plus vous évoluez dans une phase de transmutation, et plus vous apercevez que votre environnement devient plus clair, dans le sens où vous voyez beaucoup plus facilement ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qui va arriver. Vous prévoyez, alors vous ne savez pas si c'est vous qui prévoyez ou si c'est vous qui le désirez et que ça s'applique. Là, il y a une petite période de bizarrerie ou de mystère où vous avez envie de quelque chose, vous l'avez, mais vous ne savez pas si c'est parce que vous avez envie que ça arrive ou c'est parce que vous avez eu la sensation ou la prémonition que ça allait arriver, que vous en avez eu envie. Donc, Ouais, ben c'est il y a comme quelque l'histoire de chose. la poule puis de l'œuf. On ne sait pas si c'est la Voilà, c'est poule qui ça. vient avec l'œuf ou C'est ça, vous avez le. Mais plus ça va, plus vous épurez votre vie dans le sens épuration passive. Parce que moi, à mon sens, le supramental, si au début vous le voulez actif, vous voulez communiquer avec votre double, vous voulez avoir de l'énergie, vous voulez avoir de la lucidité, vous voulez avoir. On est gourmand de tout ça. Ben Vous oui. voulez parler avec les entités, vous voulez voir des entités, vous voulez voir des égrégores, vous voulez vous prémunir, vous voulez être intéressant, vous voulez avoir tout ce que vous n'avez pas pu avoir, vous voulez vous modifier au point de vue. Au point de vue défaut, au point de vue handicap, etc., vous apercevez que tout ce que vous faites, ben, ça ne peut se faire que par la passivité. C'est-à-dire, c'est votre double qui vous amènera là. C'est pas vous qui le ferez. Donc, faut arrêter de se forcer. Faut faire ce qui vous plaît. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous réunir avec des gens, et si vous avez envie de vous réunir pour parler, pour découvrir des choses, faut le faire. Faut pas s'en priver. Si vous avez envie de tester des choses, mais vous forcez pas dans des systèmes qui vont vous décevoir. Je vous donnerai un exemple où Oui. une fois j'ai été face à quelque chose qui m'avait fortement déçu, une enfant qui était disons dans la misère avec sa mère, et j'ai trouvé ça inadmissible. Donc j'ai appelé mon contact et j'ai carrément dit que ça c'était inadmissible. Je l'ai un petit peu chauffé, on pourrait dire. Je m'étais mis vraiment en colère là-dessus. Et il m'a dit, OK, on va modifier les choses. La personne a fait un héritage. Et dès que la personne a eu son héritage, j'ai appris qu'elle avait été séparée de sa fille, que sa fille était partie avec ses parents, ses parents, donc avec les grands-parents de la petite, et qu'elle s'était replongée dans la drogue. Donc, je me suis aperçu que le mouvement que j'avais effectué, en fait, avait précipité la séparation de la mère et de l'enfant, qu'ils étaient mieux dans leur misère, plutôt que la mère, ayant retrouvé de l'argent, s'était mise à acheter de la drogue, à faire ripaille, à faire tout un tas de choses avec ses amis, et avait négligé son enfant. Enfin, donc, comme quoi, on fait des mouvements qu'on pense qui peuvent être bénéfiques pour l'humanité et qui en fait sont on précipite une catastrophe. Donc dans l'initiation, faut faire très attention quand on utilise son contact parce que lui il va vous montrer ce qu'on peut faire. Ok, ça tu veux le faire, on va le faire. Mais c'est vous qui supportez après la pénibilité de la chose puisque bon, elles se sont la mère et l'enfant se sont réunis plusieurs dizaines d'années après, elles vont bien, elles sont en pleine forme toutes les deux. Mais c'est simplement pour montrer qu'il ne faut pas jouer au bon samaritain, faut pas croire que parce qu'on voit des choses qu'on veut modifier, qu'il n'y a pas un karma derrière pour chacun des deux, et que ce n'est pas souvent ce qu'on croit. Oui, ben ça nous amène à parler la différence entre agir avec l'ego puis agir avec l'esprit. Oui, disons que si j'avais agi avec l'esprit, j'aurais rien fait. Mais en même temps, ça m'aurait pas. Disons, je me serais jamais aperçu que ça, je pouvais le faire. Mais maintenant que je sais que je peux le faire, je le ferai plus. C'est un paradoxe, c'est assez marrant. Oui, ben c'est intéressant ce que tu racontes parce que dans le fond, à mesure qu'on intègre la vibration du contact, ben cette vibration-là, ça nous travaille puis ça nous dit des choses intérieurement par rapport à ce qu'on a à faire ou ce qu'on n'a pas à faire. Puis des fois, ça nous amène justement à mettre fin à des comportements à caractère spirituel qu'on pouvait avoir là, en lien avec notre programmation d'âme. C'est ça. Ouais. Donc toute la spiritualité, toute l'émotion, hein. Au fur et à mesure, une expérience comme ça vous modifie, ça vous transmute quelque part vis-à-vis de l'humanité. Oui, Après, exactement, parce que ça déspiritualise. parce que quand on vous dit, mais pourquoi vous faites pas ça pour des gens, pour les sortir de leurs problèmes psychiatriques. Je vous donnerai l'exemple de la personne qui était dépressive, qui venait souvent, quand j'étais en cabinet, qui venait, je dirais, deux fois par semaine, et qui n'était plus dépressive à la fin. Bon, donc j'ai pris, je dirais, une semaine de vacances pour partir. Quand je suis revenu, cette personne s'était suicidée. J'ai demandé pourquoi elle s'est suicidée, et on m'a simplement répondu que comme j'étais pas là, elle s'est fait envahir. Voilà. C'est tout le problème, c'est que si vous mettez votre contact et vos capacités à guérir les gens, d'une part, vous allez être dépendant, d'autre part, vous allez précipiter des choses que vous ne vouliez pas, et vous n'allez pas automatiquement guérir les gens. Et amener à guérir les gens, dans la mesure où vous ne savez pas pourquoi ils sont tombés malades et pourquoi ils ont souvent voulu tomber malades, vous amener à être anti-vie, c'est-à-dire que votre mouvement devient agressif et donc vous êtes antisocial en pensant être bénéfique et bon samaritain. Ouais, ben ça, c'est un autre aspect. C'est-à-dire que la personne sous ta vibration, elle pouvait aller mieux, mais la minute que tu n'es plus là pour la supporter vibratoirement, l'entité astrale revient, puis elle se refait astraliser, puis elle peut avoir un contre-coup astral parce que l'entité peut vouloir se venger aussi. Aussi. Bon, les entités, quand je les rencontrais, ne se vengeaient pas. Hein, mais bon, ça permettait de faire un petit peu le point. Parce que dans la mesure où vous les avez reconnus, l'entité a tendance à ne pas pouvoir, à ne pas vouloir revenir. Donc elle laisse plutôt la place à une de ses compagnes ou une de ses comparses. Ou une autre entité qui prend le Qu'est-ce qu'elle relais, aimait? ouais, parce qu'après tout, la nature a horreur du vide. Mais c'est sûr que la solution, c'est qu'il faut que le patient soit responsabilisé puis qu'il développe une puissance de volonté qui va faire que la personne ne sera plus astralisable. Totalement. Mais c'est dur d'amener une personne à se responsabiliser en consultation. Pourrait pas. Pourrait pas. Non? Non, c'est pas possible. OK. Parce que la personne va réaliser ce qui se passe, mais de là, ce qu'elle, il faut qu'il y ait déjà une volonté. Vous ne pouvez pas créer une volonté ou un centre de gravité chez une personne qui, elle, ne l'a pas voulu ou ne l'a pas créé. Le centre de gravité que vous aurez créé ou là sur lequel va pouvoir s'appuyer pour sa volonté, il faut que ce soit elle qui s'amène à fondamentalement vouloir changer. Sinon, elle ne changera pas. La personne se fera porter. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai complètement arrêté, c'est que je m'apercevais que les gens étaient complètement assistés. En dehors des gens qui étaient vraiment, avaient vraiment des gros problèmes de possession d'entités, auquel cas on tapait fort, on allait vraiment défoncer l'entité tout ce qui possédait l'individu. Auquel cas, là, la personne reprenait un petit peu de souffle et pouvait essayer de se restabiliser. Mais fondamentalement, la personne était contente d'avoir son entité. Et on s'apercevait que quand on l'enlevait, cette entité, elle se sentait nue ou elle se sentait un peu responsable. Et on a fait, d'ailleurs, avec une petite Québécoise qui faisait quelques petits chapardages, je dirais, dans les magasins, etc. Quand je l'ai examinée, je lui ai dit, mais attends, mais toi, tu as une entité, tu as une voleuse comme entité, elle te fait voler. Elle me disait, oui, elle me fait voler, c'est elle qui me fait voler. Et puis, on a enlevé l'entité, et après, elle me disait, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tu comprends? Ouais, ça laisse un vide. Par contre, si la personne vit la fusion, c'est l'énergie de l'esprit qui va descendre dans son sein, qui va Ouais, combler le mais vide. Ouais. là aussi, faire fusionner les gens, j'ai fait fusionner des gens, enfin, quand je dis j'ai fait fusionner des gens, j'ai mis en possibilité de canalisation certaines personnes avec leur double, en appelant le mien à venir les canaliser, et après le leur, je pense, a dû prendre le relais. Mais ils sont partis en flèche, c'est-à-dire ils sont partis. Comment dire, initier toute la planète, quoi. Ils sont allés faire des conférences, ils ont quitté leur boulot, ils ont quitté. Foutre des gens en initiation comme ça, c'est pas bon non plus. Donc, il faut attendre que. Ça prend du temps, le support mental, ça prend du temps. Moi, donc, ça fait depuis 88, ça fait je sais pas combien, on est en 2008, ça doit faire 30 ans que je suis dans le support mental et que. J'ai vécu toute forme d'affaires, toute forme de décorporation, de changement, de vision, de tout ce qui est abominable à vivre. Je pense qu'il faut se donner le temps. Faut prendre le temps avec le supramental. Sinon, il ne faut, faut pas foncer. Vous allez avoir des événements, vous allez avoir des expériences, ça vous allez en avoir plein, plein, plein. Et il ne faut, faut pas les forcer, il ne faut pas, faut pas se, faut pas être agressif vis-à-vis de son environnement. Quant à, comment dire, à engueuler le double, comme Bernard disait que, il le faisait, en fait, vous apercevez que toute forme d'état de colère vous met en contact avec votre double parce que c'est son langage vibratoire. C'est-à-dire que si vous vous mettez en colère, votre état vibratoire, vous parlez la même langue que votre contact. Et là, vous pouvez parler avec lui. C'est pour ça qu'il vous disait quelque part de vous mettre en colère avec lui. Ça vous permettait de garder un contact. Oui, ben exactement, là, la contestation du double qui permet à la personne de monter en vibration, puis entre autres de sortir de la peur ou de l'émotionnel plus associé à l'astral, là. Ouais. Mais l'émotionnel, vous allez de moins en moins le vivre parce qu'il n'y a pas trop de place. Mais il faut faire du place, de la place dans le mental pour votre contact. Et lui, va vous faire de la place. Au fur et à mesure qu'il balaye les mémoires qui ne vous servent à rien, il balaye l'émotionnel qui ne vous sert à rien. Et lui se pose, il se place. Et puis vous allez vous sentir au fur et à mesure changer. Et puis, comme ça m'est arrivé à moi, vous allez tellement changer que vous allez avoir une forme de changement, et puis vous allez changer, votre double ne sera plus le même, et vous aurez changé de double aussi, parce que, en fait, vous aurez tellement changé que lui ne vous reconnaîtra pas non plus. Ah ben ça c'est un Donc. autre aspect, je t'arrête là-dessus parce que moi, je pensais que c'était l'ego qui s'ajustait au double, mais que le double en tant que tel, il changeait pas, il était inaltérable. Moi aussi, je pensais ça. OK. J'avais un double qui était. Ah ouais, je vais te raconter une anecdote qui a fait rire tout le monde tout à l'heure parce que je l'ai raconté à ma fille et à ma femme. Et j'avais un contact qui devait faire 1,80 m, quoi, qui était toujours à ma gauche, avec qui je socialisais, je dirais, et qui me servait dans les entretiens, dans les conférences. Et du jour au lendemain, il s'est avéré que je ne l'ai plus eu pendant un bon moment. J'avais plus de mémoire non plus, et plus de pensée. Donc vraiment rien, plus rien. Et j'ai essayé de reprendre contact, et j'ai trouvé que le contact avait changé. Et donc, comme j'avais mémorisé ou visualisé, si vous préférez, mon ajusteur de pensée, c'est-à-dire celui qui m'a envoyé les pensées, comme tout le monde, quoi. Il était assis sur une chaise dans un autre plan, dans un autre univers, et je le voyais assis sur la chaise et qui m'a envoyé les pensées. Et le jour où j'ai plus eu de pensée, j'ai vu la chaise vide. Donc, de temps en temps, il y avait quelque chose qui s'y mettait à la place, mais c'était des conneries qui m'arrivaient. Donc, j'ai renversé la chaise et je l'ai mise en travers. Puis je me suis dit, mais plutôt que de laisser cette chaise vide et de ne pas avoir d'informations ou de pensées, je vais demander à mon contact qu'il vienne. Au moins, on va parler tranquillement, on aura des conversations intéressantes et on pourra être constructif, faire quelque chose de mieux que de faire des jeux ou de faire des petites choses comme ça, de regarder des trucs sur Netflix ou des films. À ce nouveau contact-là, que je ne connaissais pas, je lui dis, écoute, viens t'asseoir sur ma chaise et on va pouvoir parler. Et il m'a dit, l'équivalent de ça, c'est que il m'a dit, ta chaise, je peux même pas. Excuse-moi l'expression, je ne peux même pas y foutre un poil de cul dessus, tellement qu'elle est petite. Alors, j'ai calculé la taille de la chaise, la taille d'un poil, qui est de 80 micromètres, et la chaise était de 45 cm d'en base, et ça faisait un rapport d'environ 100 km de haut. J'ai compris qu'il ne pouvait pas trop me parler sur la chaise. Donc le double faisait 100 km par rapport au mien qui faisait 1,80 m. Ouais, D'où là, l'étonnement. Non, fait que là, c'est une entité qui est géante, là. Ben, je ne sais pas si elles sont comme ça toutes, mais celle-là était grande. Ça, c'est un autre D'où l'idée. aspect. Ouais. Ça, c'est un autre aspect parce qu'il existe des entités planétaires, des entités cosmiques, puis il y a différentes échelles de réalité puis d'univers aussi. Donc, toi, dans tes expériences, parce de ce que je comprends, c'est que, bon, suite au séminaire Bernard, ça t'a mis en vibration, ça t'a activé pour intégrer l'énergie du double. Puis par la suite à 1988, tu as eu beaucoup d'expériences là, ouais, au niveau psychique, de transmutation, là, de ce que je comprends, vibratoire. Ouais, je dirais qu'il y a une expérience qui m'a le plus choqué OK. de toutes les expériences que j'ai vécues, que ce soit les formes comment dire, de section du crâne. Jusque derrière, tu sais, ça te découpait, clac, tu avais la sensation que tout l'arrière de la tête se découpait avec l'énergie ou toutes ces sensations qu'on peut vivre. Une expérience extraordinaire qui est arrivée aussi, c'est le fait d'entendre des cloches dans la tête une fois où j'ai insulté mon contact. Et j'ai eu des grandes cloches qui ont sonné dans ma tête. Tu sais, se faire sonner, l'expression se faire sonner les cloches. Et là, j'ai vu tous mes corps autour de moi, autour de mon corps physique, j'ai vu tous mes corps. Et alternativement, j'ai été dans chacun des corps. Et je me disais, mais comment je vais faire pour tout réunir, tout ça dans mon corps? C'était une des formes de panique que j'ai eue à ce moment-là. Mais cette expérience, qui est assez amusante rétrospectivement, m'a permis de rencontrer, de savoir qu'il y avait plusieurs corps et d'en faire l'expérience. Une autre qui a été beaucoup plus traumatique, c'était on m'a sorti de mon corps et on m'a sorti de mon âme, je dirais de mon esprit, on m'a sorti de mon âme. Et là, on m'a fait vivre, comment dire, ce que je pense vivrait un double, ce que je pense qu'ils doivent vivre ça. C'est-à-dire la capacité de pouvoir être d'un bout à l'autre de l'univers sans avoir à s'y déplacer. Et la crainte que j'avais, je me disais, mais j'ai pas de bord, j'ai pas de bord. Je faisais que répéter ça. Je me rappelle ça dans ma tête. J'ai pas de bord, j'ai pas d'extrémité, j'ai pas de pourtour, j'ai pas de limite. J'étais hyper stressé à cause de ça, mais une peur, mais c'est abominable. Je le souhaite à personne de pas retrouver de possibilité d'avoir une extrémité, d'avoir une limite, ne pas avoir de limite. Et après, bon, je pense ils ont dû me remettre dans une forme de bord parce qu'ils m'ont vu, ils ont dû se dire, il va capoter, celui-là, il va devenir fou. Ils m'ont amené vers mon corps et vers mon âme, et puis ils m'ont amené pour rentrer dedans. J'ai dit, non, attendez, vous voulez me faire rentrer où là? Ils m'ont montré, j'ai dit non, non, je ne veux pas y aller, moi. Il y a trop de bruit là-dedans. C'est pas une question que j'aille là-dedans. Ils m'ont poussé là-dedans, enfin, dans mon âme, où j'avais la sensation qu'il y avait trop de bruit par rapport à ce que je venais de vivre. Et depuis, je sais pas, je dirais que j'ai pratiquement plus de pensée, j'ai la paix dans ma tête, parce que. Ils m'ont aidé à supporter l'entrée dans cette âme bruyante et pénible. Et maintenant, c'est le repos, quoi. C'est le repos de la tête. D'ailleurs, c'est le repos aussi pour ma famille, je pense, qui est vachement contente. Ouais, ben, Voilà. Donc, j'imagine ça. que ta vibration doit déteindre sur justement les proches que tu côtoies au quotidien, donc que ce soit ta compagne ou ta fille. Ah oui. Mais la vibration, des thèmes, mais bon, ma compagne qui a eu aussi ses séminaires, ses contacts vibratoires, les contacts avec Bernard, parce que pour en revenir à Bernard, il est avec sa vibration, il a sa vibration. Ça se sent, une vibration comme ça, moi, je vous la sens à 20 mètres chez quelqu'un. Donc, quelqu'un qui est fusionné, quelqu'un qui a un contact vibrant, je vous le sens à 20 mètres. Et avoir Bernard à côté, ben vous le sentiez à 200 mètres. Quand il arrivait, on le sentait arriver. Moi, je le sentais au téléphone, je le sentais au téléphone sa vibration. Je crois que je ne sentais rien d'autre dans ma vie pour l'instant. Jusqu'à la fin, la vibration de quelqu'un comme ça, quoi. Ouais, ben j'imagine parce que il y avait un, en tout cas à date dans les êtres humains, je pense que c'est celui, en tout cas que j'ai entendu dans les conférenciers, qui a le taux vibratoire le plus élevé là, que j'ai perçu là. Ça, c'est un problème. Oh! Voilà. Pourquoi c'est un problème? Mais ça, c'est un problème au point de vue vibratoire parce que je vais vous donner une petite anecdote. Je ne sais pas si je peux vous la donner, mais je vous la donne quand même. Parce que une fois, on était dans le lit avec ma femme et on a entendu quelque chose qui était comme un moteur au-dessus de la maison. Ça tournait, ça ronronnait au-dessus de la maison. On s'est dit, c'est quoi ce moteur à cette heure-ci, à 3 h du matin? Qui c'est qui fait ronronner comme ça son truc? Et je dis, mais attends, j'entends des voix. Et puis, j'entendais les voix qui disent, ça, c'est des séminaristes, on n'y touche pas. Et puis, ils sont partis. Et en fait, le lendemain, dans le journal, on a vu qu'il y avait un ovni, une soucoupe volante, je ne dirais pas un ovni, une soucoupe volante qui était passée par le chemin de la maison, là où était passé Bernard. C'est marrant. Enfin, voilà. Maintenant, les gens diront qu'ils se le jouent, c'est possible, mais je ne pense pas. Et au point de vue vibratoire, la vibration, elle se sent. Si nous, on peut sentir la vibration de Bernard, d'autres peuvent sentir notre vibration, et notamment des gens qui ne sont pas de cette planète, des gens qui ne sont pas de ce monde, sentent la vibration des gens qui ont fait des séminaires, qui ont été en contact vibratoire avec leur double. Donc la vibration de Bernard était si puissante, si forte, que il avait la possibilité de modifier le comportement des individus dans son environnement très très rapidement. Je dirais en 2 3 jours, il modifiait l'environnement. Ouais, ben 2 3 jours, c'est une exposition quand même assez intensive là, de sa présence là. Parce que c'est sûr que Mais le, ouais. que ce soit chez les êtres humains comme chez les animaux. Et d'ailleurs, si une chose est assez marrante, c'est que moi, je ne le regardais jamais dans les yeux. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. OK. Pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y avait rien derrière. Oh. Quand je le regardais dans les yeux, je voyais du noir, c'est tout. Il avait les yeux bleus pourtant, bleu ciel, il me semble, c'est ça. Et il y avait rien derrière. C'est particulier, ça. Ouais, ben ça nous ramène au principe du vide mental. Ouais. Dans le sens qu'il n'y avait pas de forme intellectuelle, puis de coque astrale, comme tu sais, certaines personnes, on les regarde, puis on sent toute la lourdeur derrière les yeux, puis comment dire, le mémoriel qui est présent, là. On sent l'âme de l'individu, tandis que là, tout était transformé, tout était transmuté, tout était. Tout avait été battu. Et il faut voir que c'était l'individu qui avait le plus souffert sur la planète. D'ailleurs, il me disait, il me l'avait confié, je vous le confie maintenant. Que c'était l'individu qui avait le plus souffert jusqu'à maintenant sur la planète. Ben, plus souffert par rapport à la fusion, mais je veux dire, il y a des gens qui ont... Non, par rapport à la souffrance OK. de l'individu. C'est-à-dire que quand vous aurez une souffrance ou une douleur ou quelque chose comme ça, vous pouvez savoir qu'il y a quelqu'un qui a souffert beaucoup plus que vous, beaucoup plus que les initiés précédents. C'est lui qui me l'a dit. Bon, OK. on n'est pas obligé de croire, c'est sûr, Ben, c'est parce qu'il mais. y a des gens qui ont souffert de torture. Si on pense pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les camps de concentration nazis, tu sais, il y a eu des souffrances abominables qui ont été faites au niveau physique, là, mais pas de nature supramentale ou initiatique, là. Mais on dit bien que la souffrance la plus terrible, c'est la souffrance psychique et psychiatrique, hein. C'est pas tellement la souffrance physique. La souffrance physique, à partir d'un moment, elle va s'inverser à cause des endorphines. Mais la souffrance psychique, elle n'a pas de limite. Dans la mesure où vous sortez pas de votre corps, où votre âme ne sort pas de votre corps pour essayer de parce que c'est trop. Disons, il y a toujours un mécanisme chez l'individu qui fait que s'il souffre trop, il tombe dans les pommes, c'est-à-dire que son âme se déconnecte de son mental et lui permet de ne plus être en charge du corps. Mais si, pour un initié, on le laisse et on le fusionne et on le fait souffrir mentalement, il n'a pas de refuge. Il n'a pas de capacité de tomber dans les pommes. Il n'a pas de possibilité de s'évanouir ou de capoter ou de mourir Non, je spontanément. comprends ce que tu veux dire, c'est que la personne reste totalement lucide au lieu de connaître une perte de connaissance. Voilà. Donc, elle est obligée de prendre cette incapacité, cette souffrance, cette vibration et de l'intégrer. C'est en ça qu'il a rapidement intégré tout ce qu'il a subi et son double. Il a tout intégré, mais il n'a pas pu s'échapper ou se reposer ou se sortir de là. Non, c'est ça, il n'y avait pas d'échappatoire parce que souvent, quand les gens souffrent, ben, ils vont se réfugier dans l'alcool ou la drogue. Mais de ce que je comprends, c'est que lui, il est resté lucide dans son mental, là. C'est ça. Lui, il buvait jamais d'alcool. Il était toujours à l'eau. Enfin, c'est pas si chouette que ça, quoi. Il ne pouvait pas manger ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas faire l'exercice qu'il voulait. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il a tout ce que peut vivre un individu. Il a vécu dans la douleur. Mais c'est intéressant que tu nous partages ça dans ton témoignage à l'égard de Bernard de Montréal, parce que plusieurs personnes l'ont mis sur un piédestal vu qu'il avait accès au savoir et à un taux vibratoire élevé, mais en réalité, il y avait une contrepartie à ça. Donc, autrement dit, de ce que tu me mentionnes, c'est qu'il y avait quand même des limitations au niveau physique, là, comme par rapport à l'alimentation auquel tu fais allusion il y a quelques instants. Il y avait une contrepartie, toute cette énergie, il faut la supporter. Je sais pas, quand vous avez votre contact, vous êtes en forme, vous dormez pas, vous mangez pas, vous buvez pas, vous n'allez pas pisser, vous n'avez aucune envie, vous êtes boosté par l'énergie, par la vibration, et à un moment donné, il faut payer le coup parce que le corps, il tient, il donne. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il évacue ses déchets, il faut qu'il engrange de l'énergie. Et là, vous apercevez que la réalité de la fatigue, elle est là. Et la réalité de. Quand il n'arrivait pas à se laver parce que, à cause de l'effet vibratoire, où il n'arrivait pas à tordre ses gants pour se laver parce qu'il n'avait plus la force, je ne pense pas que ce soit tellement enviable par les gens. Alors, avoir de l'information, c'est bien, mais avoir de l'information et pas s'en souvenir, au bout de. Bon, on peut la retrouver, mais on dirait que ça sert à rien. Fondamentalement, avoir de l'information, je dirais, ça sert à rien. Ça sert à enseigner, ça sert à donner de l'idée aux gens, ça sert à éclaircir les gens, mais fondamentalement, ça ne vous sert pas. Ce qui vous sert, c'est votre transmutation. Vous arrêtez d'avoir vos pulsions, vous arrêtez d'avoir des pensées, vous arrêtez d'avoir des mémoires qui vous torturent, vous arrêtez d'avoir vos émotions, vous vivez dans une forme de paix après avoir vécu une guerre permanente. Et je crois que c'est uniquement ça que nous amène le supramental. Donc, autrement dit, plus à bénéficier d'une paix psychique, donc plus sortir de la lourdeur de la réflexion. Mais c'est quand même intéressant d'aborder un peu plus les coûts en plus des bénéfices, parce que souvent, quand on parle du supramental, en tout cas en ce qui me concerne, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai plus tendance à m'attarder t'sais, aux avantages, mais il y a une facture aussi à payer. Puis par rapport à Bernard, les souffrances qu'il a vécues, parce que toi, tu l'as quand même hébergé chez toi, fait que j'imagine que tu es témoin de souffrances là, personnelles qu'il a dû vivre dans sa vie concrète, là, matérielle, là, C'est-à-dire que lui, il savait ce qu'il fallait pas qu'il fasse. Et il vous disait ça, ça je peux pas le manger, ça je peux pas le faire. Il régulait quand même sa respiration. Il était obligé de réguler son cœur à un moment donné. Donc c'est lui qui prenait en charge tout son corps. Il faut bien penser que le contact lui disait de faire ceci ou cela. Mais il était obligé de prendre en charge son corps parce que son corps lui envoyait des signaux douloureux. Et ce n'était pas les doules qui lui donnaient l'analgésie. Quand il avait le fait de se faire piquer par les frelons, il s'est fait piquer par les frelons. Le fait de se donner un coup sur les doigts, il se donnait un coup sur les doigts. Les douleurs, il les avait toujours pour lui faire monter sa vibration ou pour passer un cap, comme tout le monde, on a une douleur pour monter sa vibration, pour passer un cap, pour rencontrer un événement. Et c'était pareil pour lui. Donc, même avec son information, même avec ce qu'il savait, il avait à prendre des douleurs. Et par exemple, je me rappelle la fois où il a perdu en bourse, je ne sais plus combien, 500 000 dollars, parce qu'il a simplement oublié de purger, enfin de revendre ses options, parce que ses contacts ne lui ont rien dit. Donc il a perdu cette somme et il m'a dit, la seule chose que j'ai fait, j'ai été au bord de la piscine me mettre les pieds dans l'eau pour pouvoir me relaxer. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont vivre cet événement comme une relaxation, enfin comme une relaxation, sans se faire impacter par le fait d'avoir perdu ça. Mais lui, l'avantage qu'il avait, c'est qu'il avait plus de survie à mener, il avait plus à assurer, il avait plus l'effet de survie, il avait résolu le problème. Aussi bien la survie financière que la survie physique à la base. Oui, mais attends une Et minute, c'est-à-dire que s'il perd beaucoup d'argent, sa survie physique, je veux dire, il y avait quand même à payer pour l'habitation, se nourrir, il y avait des dépenses quand même courantes à rencontrer. il lui suffisait d'aller sur la bourse, et là, il récupérait son argent, il récupérait l'argent qu'il avait. Là, il a perdu l'argent, il a fait des conférences ou des séminaires, et puis il a réinvesti, il a récupéré son argent. Ça lui posait pas autre problème. Il avait quand même un petit peu, comment dire, pas une rancune, mais je dirais il en voulait à son contact quand même. Quelque part, on sentait en lui une petite rancune, pas grosse, mais le lendemain, il avait tout oublié. Mais ça, c'est un autre aspect parce que il y a des gens qui oublient parce qu'ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Et Non, comment. il n'était pas Alzheimer. Non, non, ben, j'imagine qu'il n'était pas Alzheimer, mais ça serait de voir comment faire la distinction entre quelqu'un qui oublie parce qu'il est atteint d'Alzheimer versus quelqu'un qui oublie parce qu'il est fusionné ou avec le contact, là? Quelqu'un qui oublie, avec la maladie d'Alzheimer, c'est plus. Il sait plus comment il s'appelle, il sait plus quand il est né, il n'a plus les critères personnels et sociaux. Il a plus la notion de mémoire en tant que construction de son avenir. Disons qu'il n'est pas capable de se construire une vie. D'accord? Bernard, il avait la possibilité, vous lui mettiez, je sais pas, 5 dollars en poche, il allait prendre un petit café, il s'achetait la dépêche, enfin la dépêche ou le journal local, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, et il faisait sa vie. Il allait rencontrer quelqu'un. Par exemple, quand il se baladait avec nous, il se retournait et puis il disait, tiens, ce monsieur, il est professeur à l'université de, je ne sais plus quoi, de Toulouse, et il s'occupe de ça. Puis il allait lui taper la discute de 2 ou 3 mots, il allait lui dire quelque chose, puis le gars, il partait tout de suite en discussion avec lui. Donc, il y avait une vie, un Alzheimer, même si intelligent soit-il, il va rester circulaire, il va rester comme cloîtré dans son mental. Il ne va pas aller s'étendre. Pour lui, l'extérieur n'existe pas. Pour lui, même s'il le vit, même il va éventuellement utiliser son intelligence, mais son extérieur ne va pas lui amener d'émotion, ni d'émotivité. Avec Bernard, il pouvait avoir de l'émotion. Il lui arrivait de pleurer en voyant des choses, en voyant de belles choses, en voyant ça, un Alzheimer, vous l'aurez pas. Vous n'aurez pas le il aura tendance à pleurer plus sur lui-même s'il a une sensation de conscience. Qui reste encore un petit peu, mais il n'aura pas la notion de pleurer sur l'environnement. C'est un peu comme si chez l'Alzheimer, on lui effaçait tout l'environnement à grands coups de gomme, tandis que l'individu qui est dans le supramental continue son initiation, a les moyens de continuer son initiation. L'autre n'a pas les moyens de continuer son initiation parce que d'une part, l'Alzheimer n'a pas la notion de son double. Si le double veut lui parler, à ce moment-là, lui, il va devenir un initié parce qu'il aura la notion de l'environnement, la notion de la continuité du mouvement à faire dans un monde où il y a des gens. Ouais, ben c'est intéressant la distinction que tu fais entre quelqu'un qui est en contact avec le double versus Alzheimer, parce que l'une des craintes que j'ai par rapport au processus, puis peut-être d'autres personnes aussi qui nous écoutent, c'est quand on lui dit qu'en avançant dans le processus, on va avoir de moins en moins de mémoire, ben c'est d'en venir à être atteint d'Alzheimer ou de peut être fonctionnel, mais de ce que tu expliques, c'est que Bernard avait été quand même fonctionnel dans sa vie pareil, là. Ouais, il fonctionnait pareil. Et les mémoires, comme je vous dis, les mémoires qu'on vous enlève au tout début et puis même à la moitié, ce sont des mémoires des mémoires d'enfants, des mémoires d'adolescents, des mémoires qui, disons, les mémoires affectives essentiellement, toutes les mémoires affectives jusqu'au moment où ça vous sert pas. C'est-à-dire que vous avez de l'affection pour votre femme et votre enfant, on vous le garde. Tout ce qui s'est passé avant, les parents, les grands-parents, les enfants précédents, les femmes précédentes, tout ce que vous avez, les petites amies que vous avez connues au début, les premiers amours, vous n'avez plus la notion de ce que vous avez vécu. Vous n'avez plus la souffrance de la mémoire, parce qu'essentiellement, la souffrance, la mémoire amène une souffrance en permanence. Même les bonnes mémoires vous amènent une souffrance, ne serait-ce que parce que c'est passé. et que vous ne le revivrez pas. Donc, toutes ces mémoires, vous les avez perdues, vous les perdrez, et elles vous manqueront pas. Elles vous manqueront pas. Vous allez vivre avec votre vie à l'instant présent. Vous pouvez avoir une émotion particulière en regardant un film, vous pouvez avoir une émotion en voyant un enfant, vous pouvez avoir certains éléments d'émotion, mais toutes vos mémoires vont être zappées au fur et à mesure que vous les avez. 2 jours après, vous n'y penserez même plus à ce genre d'émotion que vous avez eues. Ouais, tout est vécu dans l'immédiateté, puis après ça, on peut plus y réfléchir, là. Donc, Ouais, après, ça ne sert plus à rien parce qu'on continue dans le mouvement. Ce n'est pas qu'on veuille que ça disparaisse, mais dans la mesure où on ne s'en sert pas, tout ce qui n'est pas utilisé, ça va disparaître. Ça, vous pouvez être sûr que du moment que vous n'utilisez pas votre mémoire ciblée, votre mémoire émotionnelle ou votre mémoire ciblée sur des événements particuliers que vous voulez garder, ça va disparaître. Oui, ben, je comprends. En même temps, ce qui me vient en tête, c'est dans le fond, ben, dans ma vie personnelle, mon double, à un moment donné, il m'a amené à faire le ménage de chez moi, là, me départir de livres de spiritualité, t'sais, des mémoires associées à de la littérature, là, t'sais, au niveau physique puis au niveau psychique, c'est un peu la même affaire. C'est un dépouillement, finalement, le processus de la fusion, quand on le parle, là. Ouais, c'est un dépouillement. C'est pas le mot que j'emploierais parce que dépouillement, c'est un peu comme si on perdait quelque chose. On perd rien. On perd rien du tout. Moi, je m'aperçois qu'on perd rien du tout. Ce que l'on a, c'est que on se dégage. On se dégage de certaines choses. On se dégage de pesanteur, de vibrations pesantes, on se dégage de ça et on devient de plus en plus léger, de plus en plus réactif, de plus en plus vif et de plus en plus lucide. Et on se dégage de toutes ces mémoires qui sont lourdes, qui vous amènent uniquement de la souffrance quand ça remonte, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Si pour l'instant vos mémoires ne vous amènent pas de souffrance, je sais pas, la naissance de votre enfant, le premier job ou je sais pas quoi, au bout d'un moment, dans quelques années, vous vivrez ça comme une souffrance parce que vous y penserez, vous direz, ah ouais, c'est vrai, j'ai vécu ça, j'étais jeune, j'étais ceci, j'étais cela, j'ai fait ça. Vous apercevrez que ces mémoires sont des souffrances. Donc, c'est un dégagement plutôt qu'un dépouillement. Un dépouillement, on a la sensation qu'on vous enlève toutes vos protections. Justement, ce ne sont pas des protections, ce sont des empoisonnements. C'est dur de dire ça pour une mémoire, mais Non, non, vous mais avez c'est bien une correct. C'est un mémoire. peu. Ouais. Ben, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr, c'est bien de le recadrer, là. Parce que en réalité, l'individu est dégagé de qu'est-ce qui est plus essentiel. Tu sais, pour que le nouveau prenne place, faut se dégager de l'ancien, là. Ouais. Et même les dernières mémoires, le nouveau, vous êtes beaucoup plus léger, vous êtes moins impacté par les événements qui vous arrivent, même si vous avez une forme d'impactation, je dirais, ou de choc qui est très lourd, qui est très dur à porter, vous serez content de vous apercevoir que hop, vous pouvez oublier votre choc qui a été très lourd, très pesant, vous pouvez l'oublier 3 heures après, vous n'y pensez pas. Ouais, Même ben. si vous savez que ça existe, hein, Ouais, ben. les moments où vous allez le plus le penser, votre choc, c'est les moments où vous allez vous réveiller la nuit. Quand vous vous réveillez la nuit, parce que quelqu'un pense à vous, ou parce que vous avez des mouvements sur les comptes ou parce que vous avez des tas de choses comme ça qui font que vous vous réveillez la nuit. Vous êtes dans un système de rêve. Et ces phénomènes de rêve vont vous mettre rapidement en contact avec vos chocs ou vos événements qui se sont passés. Ouais, mais ça, Mais dans la journée, vous n'y penserez plus du tout. c'est un aspect intéressant à aborder parce que moi, quand que j'ai eu mon accident d'automobile, l'intégration s'est faite quand même assez rapidement, puis j'hésitais à en parler à ma mère parce qu'elle avait tendance à réfléchir et plus émotive que moi. Fait que ça, c'est un autre aspect. Comment qu'on gère ça par rapport à nos proches qui n'ont pas nécessairement le même intégration que nous autres? Dans la mesure où ils mettent pas l'ouverture, vous savez, tous les gens sont protégés. Donc, dans la mesure où leur entité ne leur a pas donné l'ouverture, je parle de l'ingesteur de pensée, n'aura pas posé la question, et tu vas bien, ou je te vois boiter, ou je te vois ceci, ou je te vois cela, c'est une ouverture pour que vous leur parliez de votre événement. Dans la mesure où ils ne sont pas prêts à le recevoir, souvent, ils ne vont pas vous faire l'ouverture. C'est si vous arrivez, vous dites, tu sais, maman, j'ai eu un accident, là, vous allez la choquer parce que d'une part, il n'y a pas eu l'ouverture, donc ce qui veut dire que les plans n'ont pas préparé l'individu à recevoir le choc, donc vous allez l'initier dans un choc, et là, vous allez prendre votre choc en retour, hein, c'est-à-dire votre karma de ce temps-là, dans la mesure où vous n'allez pas mourir et revivre après, si c'est la dernière vie que vous faites, vous allez vous prendre un karma dans les 6 heures qui suivent. Donc, dans la mesure où vous ne parlez pas de votre événement directement à la personne parce qu'elle le désire, hein, la personne qui veut qu'on lui parle de quelque chose, elle va vous le demander. Donc, n'initiez pas les gens, ne les mettez pas en initiation avec votre vie. Ça n'intéresse fondamentalement pas l'individu. Même si l'individu fait semblant ou croit être intéressé par ce qui vous arrive, il est fondamentalement pas enclin à vouloir recevoir des chocs. Il est fondamentalement enclin à souffrir, à vouloir souffrir parce qu'il s'est donné un programme de souffrance, une programmation pour souffrir, pour atteindre un certain but et un certain niveau. Mais il n'est pas prêt à en recevoir davantage. Donc, si on ne vous demande rien, vous dites rien. En gros, moi, c'est comme ça que je suis pas intéressé à raconter ma vie à qui que ce soit. S'il se passe quelque chose et que ça impacte l'individu parce que, bon, ben, il n'y a plus de voiture, je vais dire, il n'y a plus de voiture. Voilà. Et ma femme va me dire, mais qu'est-ce que tu as fait de la voiture? Ben, elle est foutue dans le canal. Donc, c'est sûr que là, il n'y a plus de voiture. Donc, vous voyez un petit peu ça sera l'ouverture. Oui, exactement. Autrement dit, il ne faut pas que la personne amène de l'information que l'autre ne peut pas contenir ou assumer, parce que là, ça crée un choc énergétique, là, ouais. Ouais. Tant que vous n'avez pas la possibilité de connaître la quantité de souffrance qui reste à supporter à la personne en face, parce que chacun a sa quantité de souffrance. C'est un petit peu comme un quota. Dans la mesure où vous ne savez pas que la personne est très proche de son quota, vous n'avez pas à lui amener de quantité supérieure de souffrance. Parce que vous allez peut-être, par cette souffrance supérieure de ce choc que vous accumulez, cette énergie qui va être obligée d'être intégrée par la personne, vous pouvez la faire mourir plus tôt. Ça peut aller jusque-là. Ouais, parce que si elle n'a pas la capacité de contenance, un peu comme un vase qui ne peut plus contenir un liquide, ben, à un moment donné, il éclate. Voilà. Donc, s'il y en a trop. Mais ça, c'est un aspect particulier. Tu ouvres la porte sur quelque chose ici, sur la quantité de souffrance qu'une personne est programmée à vivre. Donc, est-ce à savoir que la personne, dès sa naissance, a une programmation pour l'amener à vivre une certaine quantité de souffrance pendant sa vie terrestre? C'est ça. Et cette quantité de souffrance, elle est gérée par ce qu'on pourrait appeler l'ange gardien, ce qu'on appelle l'ange gardien. J'aime pas trop ce mot, mais disons l'entité maîtresse, je dirais. Vous savez que vous avez plusieurs entités dans votre mental et vous avez une entité maîtresse qui les dirige toutes et qui est là pour mesurer la quantité de souffrance que vous avez à vivre. Et c'est elle qui va vous faire tomber dans les pommes ou vous faire éviter certaines choses ou va. C'est elle qui peut lire aisément la quantité de souffrance que vous avez dans votre être. Mais l'individu qui vit la fusion, est-ce qu'il peut sortir de cette programmation en relation avec la souffrance? Non, parce qu'il faut qu'il vive sa programmation. Il a des choses à vivre parce que c'est lui qui les a mis en place. Alors, comme c'est lui qui les a mis en place en accord avec des entités, il a été d'accord pour souffrir une certaine quantité de souffrance, pour avaler une certaine quantité de souffrance, une certaine quantité d'énergie. Ça a été mis en place en accord avec d'autres entités qui ont dépassé de l'énergie, avec d'autres êtres humains qui ont été d'accord pour soit amener les quantités de souffrance et soit vider leur karma dans ces quantités de souffrance à lui. Tous ces transferts d'énergie à droite et à gauche, tous ces karmas qui se brûlent, toutes ces quantités de charge, de douleur à équilibrer, si du jour au lendemain, avec votre fusion, vous partez dans une forme d'initiation et que vous ne respectez pas momentanément votre programmation, vous allez vivre une initiation abominable, c'est-à-dire que vous allez être obligé de rencontrer sans arrêt des obstacles, sans arrêt. Et là, l'individu qui se mettra en travers de votre route, c'est votre contact. C'est votre double qui se mettra en face de vous. C'est lui qui vous créera les obstacles. Alors qu'une programmation, quand vous avez une programmation à suivre, vous n'avez pas d'obstacles. Vous avez des difficultés, mais vous n'avez pas d'obstacles. Vous avez des possibilités à faire des choses, vous avez la capacité de les faire, vous avez les moyens de les faire. Tandis que dans une initiation, on va vous enlever les moyens de le faire, on va vous enlever la capacité de le faire, on va vous créer beaucoup plus de souffrance que vous auriez eu si vous aviez suivi la programmation. Donc, vous faites votre programmation dans les espaces où il n'y a pas de programmation. Par exemple, si votre programmation c'est le travail, parce que vous travaillez 5 jours sur 7, les 2 jours qui restent, vous pouvez vous mettre en initiation, vous vivrez une initiation relativement tranquille, relativement confortable, tandis que si vous faites comme j'ai fait, ce qui est à mon sens une erreur, où je me suis mis pendant 6 ans, non 12 ans, excusez-moi, passé le temps, pendant 12 ans en initiation, vous allez vivre quelque chose d'abominable. Et ça vaut pas le coup, parce qu'après, il faut refaire sa programmation et doubler la quantité de programmation, c'est-à-dire qu'au lieu de faire 6 heures, par exemple, de travail par jour, vous allez en faire 12. Pour rattraper toute la Mais je programmation. t'interromps ici. Quand tu dis que pendant 12 ans, tu t'es mis en initiation, c'est-tu par rapport au fait que tu as fréquenté Bernard de Montréal? C'est pas sa faute, c'est la mienne. C'est pas lui qui a été dans ce mouvement. C'est mes croyances, c'est ma vibration, c'est mon contact, tout ça m'a mis en initiation. J'ai changé de travail, j'ai changé de femme, j'ai changé de maison, de chien, de chat, tout a été rayé et je suis parti dans un autre mouvement, dans une autre, toute une autre vie, pendant 6 ans, pendant 12 ans. Et il a fallu que pendant ces 12 ans, je comprenne ce qui se passait pour que je puisse me remettre dans une programmation pour re-avoir la paix. Donc, autrement dit, si l'individu s'éloigne de sa programmation, il va vivre automatiquement des oppositions pour qu'il retrouve, entre guillemets, le droit chemin. Ouais, pour qu'on le ramène dans le chemin de sa souffrance, ce qu'il a voulu. C'est un peu comme si vous achetez une maison et puis que vous décidez de plus y habiter parce que vous avez eu un coup de tête comme quoi il fallait le faire, fallait habiter ailleurs, eh bien on va vous faire quand même payer l'achat, on va vous faire payer le loyer. Si vous ne faites pas payer, si on ne vous paye pas, eh bien vous allez avoir quand même des huissiers qui vont venir vous saisir, vous allez passer au tribunal, vous allez être emprisonné, vous allez avoir tout un tas de choses. On va vous supprimer votre voiture, vous allez marcher à pied, vous aurez mal aux pieds, vous aurez donc de l'arthrose, vous aurez un tas de maladies, tout ça à cause du fait que vous n'avez pas été dans ce mouvement-là. Et toute personne qui s'est mise à initiation et qui a négligé sa programmation, je peux vous assurer qu'elle va revenir avec plaisir dans sa programmation, même ce qui ne veut pas dire que vous allez oublier. Et que vous aurez perdu ce que vous avez fait dans l'initiation. Mais c'est un petit peu comme ce que je vous racontais avec la personne qui était dans la misère. Vous ne recommencerez pas votre histoire. Non, exactement. Et ça nous amène sur le point que l'être humain, quelque part, il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre, mais c'est lui qui s'est mis dans ce mouvement-là. Donc, il faut bien qu'il en sorte, je suis d'accord, mais il faut qu'il en sorte intelligemment, c'est-à-dire il faut qu'il en sorte dans les zones où il lui est donné d'en sortir, et pas prendre tout azimut la sortie en pensant qu'il est dégagé de toute forme de sociabilité, de socialisation, et que tant que vos mouvements, tant que vous ne savez pas la portée de vos mouvements, tant que vous ne connaissez pas la portée de vos mouvements sur l'environnement, sur les gens qui vous entourent, vous ne mettez pas l'initiation. Le jour où vous savez que si vous posez votre stylo ici plutôt que là, ça entraîne tel effet, à ce moment-là, vous pouvez vous mettre en initiation, vous saurez exactement quoi faire. Mais tant que vous ne faites pas ça, vous allez vivre l'enfer parce que votre contact va être contre vous. Parce qu'il n'aura pas prévu. Parce que eux, ils se donnent le temps de vous amener dans une transmutation et dans un changement. Si vous prenez un raccourci, ils ne vont pas pouvoir avoir le temps de vous amener dans ce qu'ils veulent vous amener. Donc, ils vont vous faire tomber malade pour vous ralentir. Ils vont vous amener à vivre de la difficulté pour vous ralentir. Et vous allez vivre le temps à une mesure à laquelle votre esprit n'a pas envie de le vivre. C'est-à-dire que ce sera votre première souffrance. C'est que tous vos mouvements vont être ralentis par votre double. Votre psychisme va être ralenti par votre double. Toutes vos envies vont être beaucoup plus pesantes et beaucoup plus difficiles à consommer. Et vous devrez quand même en arriver à faire votre programmation. Regardez, Bernard a été obligé de vivre pendant, je crois, 2 ans avec une femme, alors qu'il vivait avec sa précédente femme. Puis ensuite, il l'a retrouvé. Il a eu tout un tas de déboires. Il a Ben, été obligé de suivre sa programmation. attends une minute, tu es en train de nous dire que Bernard a eu une maîtresse en même temps qu'il était en relation avec Pierrette? Non, il a été obligé de quitter Pierrette et d'aller avec une autre femme Ah, OK. pendant 2 ans. Et ensuite, il est revenu avec Pierrette. OK. Il a vécu des choses comme ça. C'était marqué dans sa programmation, il était obligé de le faire. Donc, autrement dit, si dans la programmation qu'il avait à vivre avec Pierrette, ben, il est obligé d'en revenir avec elle parce que c'était son destin, là. Mais ça, c'est un aspect difficile pour l'ego humain d'avoir à composer. Puis il y a beaucoup de gens qui vont se désintéresser du supramental par rapport à ça, avec le fait que la vie est programmée, parce que beaucoup de personnes vont réfléchir ça, puis on va se sentir impuissant en disant, ben, c'est comme une fatalité, la programmation, on peut rien y faire. C'est pas une fatalité, c'est vous qui l'avez mis en place. C'est un petit peu comme si vous avez choisi la quantité d'intelligence, D'avoir un QI 130 ou 150, c'est vous qui avez choisi les limitations de votre mental, c'est vous qui avez Mais choisi ça, c'est les... des choix qui ont été faits avant la naissance, avant Avant l'incarnation, tout là. ça, quoi. Tout ça a été fait avant la naissance. Et si du jour au lendemain, vous dites que vous n'en tenez plus compte, c'est pas de l'intelligence, c'est de la stupidité, c'est de l'enfantillage. C'est un petit peu comme... on vous donne un cadeau à la naissance, on vous donne un cadeau à Noël. Vous avez une voiture, on vous dit, viens à table, il faut manger. Oh, non, je joue avec mon camion jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous tombiez de fatigue et qu'on soit obligé de vous mettre au lit. Et le lendemain, vous avez mal au ventre parce que vous n'avez pas mangé, parce que vous n'avez pas bu, donc vous avez la température, donc vous êtes malade, etc., etc. C'est vous qui vous êtes provoqué ça, dans le sens où vous n'êtes pas respecté. Si vous ne vous respectez pas envers vous-même, c'est un petit peu comme se mettre une balle dans la tête, c'est un suicide. Donc, se suicider, c'est être poussé par une entité. Là, en l'occurrence, l'entité, c'est vous. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Par contre, pour ce qui est de la programmation qui est déterminée avant la naissance, eh bien, un peu comme pour l'itinéraire d'un voyage, n'est-il pas possible qu'une fois que la personne est sur le lieu d'un voyage qui est prévu à l'avance, de renégocier l'itinéraire? Ben, si vous avez un billet d'avion, un billet de départ et un billet d'arrivée, pour reprendre notre billet d'avion, vous êtes pas sûr d'avoir l'argent pour repartir. Vous avez une programmation, ne serait-ce que pour votre survie physique. Vous avez une programmation qui est flagrante dans le nombre de battements de votre cœur, dans la résistance de votre mental, dans votre immunité, dans vos corps différents, dans vos corps énergétiques. Oui, il y a une programmation qui est inhérente à la condition biologique de l'être humain, mais l'intégration de l'énergie du double ne va pas-elle pas altérer la matière? Parce que Bernard parlait qu'éventuellement, la personne pourrait faire agir la matière en fonction de la volonté de se téléporter. Donc, éventuellement, ça va sans doute altérer la condition biologique de l'être humain. Oui, mais avant d'arriver à se téléporter, avant d'arriver à sortir de son corps, avant de pouvoir se modifier, il faut que l'âme soit transmutée. Tant que l'âme n'est pas transmutée, vous ne ferez rien du tout. Votre corps sera en mesure de supporter son âme parce qu'il en a le contrat, il en a l'obligation, donc il supporte l'âme. Si Bernard devait mourir à 65 ans, ou je ne sais plus quel âge il est mort, à 63 64 ans, ans, 64 ans. à 64 ans, son corps avait charge de le supporter jusqu'à 64 ans. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu faire de la chimiothérapie, il n'a pas voulu se faire opérer de son cancer, il n'a pas voulu faire d'autres mouvements alors qu'il savait qu'il y avait ça. Son corps était là pour supporter jusqu'à 64 ans. Et il en avait ras-le-bol de subir et de supporter un petit peu tout l'environnement social, je dirais. Il supportait plus. Moi, je me suis aperçu que quand il finissait un séminaire, il disait, c'est la dernière fois que je fais un séminaire. Je ne veux plus faire un séminaire. Ça me fatigue trop. C'est trop... Les gens sont... Comment dire, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est too much. Et il disait ce que j'aime bien, c'est faire des petites conférences et avec des gens qui comprennent, avec des gens qui savent, pas avec des gens oppositionnels, pas avec des gens sans arrêt sur la négativité, à modifier toutes ces vibrations. Il était fatigué de ça, il était fatigué. Donc, Ben, j'imagine qu'il était fatigué de réajuster les gens, tu sais, qui étaient désajustés puis astralisés, là. Ouais, mais il était fatigué de ça. Après, quand il était en forme, qu'il n'y avait rien qui le gênait, on sentait chez lui qu'il y avait encore de l'élan, qu'il aimait rencontrer les gens, il aimait l'homme. Fondamentalement, c'est quelqu'un qui aimait l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme, la femme, il aimait l'être humain. Mais ce qu'il n'aimait pas, c'était ce que c'était devenu, en gros, tout le transport de saleté. C'est un petit peu comme rencontrer quelqu'un qui ne s'est pas lavé, qui a les cheveux sales, qui pègue, qui colle des mains quand vous lui dites bonjour, qui sent mauvais, qui n'a pas la lucidité. Ça, c'est pesant. Ça, c'était pesant. Quand il avait la possibilité de rencontrer des gens clairs, des gens qui faisaient attention à lui, sans avoir le supramental. Je ne parle même pas de gens qui avaient contacté le supramental, des gens qui étaient respectueux parce que c'était dans leur vibration, que c'était dans leur programmation sûrement. Ça le ravivait dans le sens de, tiens, en rentrant, je vais donner une conférence. Voilà ce qu'il me disait. C'est assez, c'est particulier. Ben, j'imagine qu'il cherchait des gens qui étaient plus légers dans le mental pour pouvoir se ressourcer à son contact, là, ouais, à leur contact, là. Possiblement, mais le corps, il vit ce que vous vivez et il vous supporte jusqu'à la fin. Il est là pour vous supporter jusqu'à la fin. Et c'est faux de penser que le corps va vous lâcher avant que vous aurez terminé. Le corps vous tient jusqu'à la programmation et même plus. C'est un petit peu comme vous achetez une voiture et votre voiture, vous l'avez pour je sais pas moi, 800 000 km, et vous l'avez acheté pour 800 000 km et vous savez qu'à 800 000 km, vous allez en changer. Mais ça ne veut pas dire que la voiture est morte. Vous allez pouvoir peut-être rouler jusqu'à 1 million de km ou même 2 millions de km. Mais votre voiture, elle fonctionne. Elle est là pour fonctionner le triple de ce que vous devriez pouvoir la mener. Vous devriez vivre 200 ans, vous en vivez 50, vous en vivez 80. Vous avez les capacités de le vivre. Donc, c'est pas parce que vous allez faire du supramental que vous allez mourir plus tôt. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont morts jeunes. Si je pense entre autres à Daniel Kamm, je pense que c'est 36 ou 38 ans, qui a été conférencier ici au Québec, supramental. Et puis, ben c'est sûr, Bernard, il est mort à 64 ans. Ensuite, récemment, il y a eu Daniel Ménard qui est décédé. Si je ne me trompe pas, c'est peut-être 67 ou 68 ans. Donc, tu sais, l'espérance de vie peut-être rendue, je ne sais pas, ici au Québec, peut-être Mais 80 ans, là, ouais. faut faire attention à une chose, c'est que je pourrais dire par exemple, bon, Daniel Ménard, il avait une pathologie sérieuse qu'il ne traitait pas sérieusement. Or, sa programmation, c'était de traiter sa pathologie sérieusement. Il l'a pas fait, il l'a pas voulu parce que c'était tête de mule. Donc, il faut voir les choses comme elles sont aussi. C'est que vous avez en charge de faire des choses. Si vous ne les faites pas, faut pas vous étonner de prendre le coup de bâton en retour. Oui, ben c'est sûr que dans son cas, de ce qu'on m'a mentionné, c'est qu'il avait refusé le traitement là, pour le diabète, là. Mais en même temps, tout ça, c'est délicat parce que bon, c'est son choix personnel, là, je veux dire. Ah ben oui, c'est un choix personnel, mais si c'était dans sa programmation. C'était dans sa programmation. Si c'était dans son état, c'était dans son état. Si vous devez traiter votre diabète ou votre cancer, c'est à vous de savoir si vous en avez assez, si vous voulez arrêter là, si vous voulez continuer. Parce que s'ils veulent vous faire mourir, ils vous feront mourir d'un infarctus, ils vous feront mourir de choses, d'un accident. Ils vous feront mourir de choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et ce n'est pas parce que vous allez faire des conférences que vous allez mourir plus tôt ou que vous allez mourir. Moi, je ne mourrai pas pour l'instant parce que je fais des conférences, parce que je fais du supramental, parce que je fais des consultations, parce que je fais de l'IADEC, parce que je ne mourrai pas plus tôt. Non, non, ben, C'est je ça. comprends. C'est ça, il ne faut pas s'empêcher de vivre par rapport de la crainte de mourir plus tôt, vu qu'on fait des activités en lien avec la vibration, là. Ça, c'est intéressant à aborder. C'est sûr que la question de la programmation du moment de la mort qui est imposée à l'ego, c'est sûr que ça, c'est un aspect qui est difficile en tant qu'ego d'accepter, là, dans le sens qu'on a un peu une épée de Damoclès au-dessus de nous, tu sais, Mais vous pouvez faire quelque chose de très marrant. Ce que je faisais pour certaines personnes, une personne me demandait une fois quand c'est qu'il allait mourir. Donc, vous prenez votre date d'anniversaire, Oui. vous mettez votre date d'anniversaire, vous l'écrivez, et puis vous demandez quelle sera la date de votre mort. Et puis vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Et vous allez avoir la date de votre mort. C'est aussi simple que ça. OK. Et je me rappelle donc la personne qui m'avait demandé, j'avais donné sa date d'anniversaire, et j'ai commencé à lui donner sa date de mort, et il n'a pas voulu que je donne l'année. Et donc l'année, elle m'est revenue dessus. C'est-à-dire que pendant 2 mois, j'avais sa date de mort dans sa tête, dans ma tête. Ouais. Donc, il ne faut pas le faire par quelqu'un d'autre. Si vous voulez le faire, vous le faites, Ben, vous. je l'ai fait en même temps que tu le dis, là. J'ai marqué ma date de naissance, puis ce qui est sorti, c'est 2070, mais je verrai. Spontanément, c'est ça qui est sorti. Mais y a des. Il faut faire en sorte que. Faut pas penser que les heures pleines sont. Que les années pleines sont des finalités en soi. Parfois c'est moins. Ouais. Puis, dans le fond, par rapport à la programmation qu'on parlait tantôt, parce qu'il y a un aspect que je voulais aborder pour nuancer avec toi, parce qu'il y a la programmation au niveau de l'âme, puis la programmation au niveau de l'esprit. Donc, pour toi, est-ce que la programmation de l'âme peut être neutralisée par celle de l'esprit? La programmation de l'âme se vit beaucoup plus légèrement au fur et à mesure de l'évolution de l'esprit. La programmation de l'âme, elle va se vivre au fur et à mesure de son changement vibratoire. Plus vous changez vibratoirement, et plus les événements ne sont plus aussi lourds qu'au début. Et au fur et à mesure, votre programmation sera plus une programmation, ça sera un arrangement. C'est-à-dire que votre âme aura, plutôt que de subir et de souffrir dans un temps ce qu'elle doit faire, elle va, au travers de sa transmutation, va passer au-dessus de ses souffrances, qui n'en seront plus. Pour vous expliquer ça, c'est un petit peu comme vous avez à supporter, en tant que souffrance, la mort de votre enfant, par exemple. Bon, ça, c'est quelque chose de choquant. Vous avez transmuté votre âme au point où vous vivez la mort de votre enfant, vous le vivez difficilement, mais avec la transmutation de votre âme et de votre esprit, vous pouvez aller le voir, vous pouvez aller lui parler, et il va vous expliquer qu'en fait, il avait décidé de vivre jusqu'à cette période-là pour telle et telle raison, que son karma était lié avec vous pour prendre telle quantité d'énergie, qui vous remercie beaucoup, mais que maintenant, il faut que vous lui fichiez la paix parce qu'il en a plein le cul. Autrement Vous dit, l'enfant a passé à autre chose. n'avez pas du tout le même vivre de la même façon que si vous ne pouvez pas aller le voir, vous ne pouvez pas savoir comment il vit là-haut, que vous ne pouvez pas savoir s'il est bien, s'il n'est pas bien, vous allez vivre vos angoisses, vous allez vivre le fait qu'il vous manque, etc., etc. Donc, c'est fonction de la transmutation de votre âme, vous allez vous apercevoir que Les événements sont plus ou moins lourds, plus ou moins douloureux, plus ou moins pesants. Et donc, votre programmation sera beaucoup plus légère, jusqu'à disparaître. Ouais, ben en lien avec ce que tu me dis, ce qui me vient comme image, c'est que quelqu'un qui a une vibration très lourde quand il est jeune, parce qu'il est très émotionnel, comme à l'adolescence, il est instable, d'envisager le phénomène de sa mort, ça peut lui faire vivre beaucoup de peur, mais à mesure qu'il intègre l'énergie de l'esprit, puis il transmute, peut-être que quelques semaines ou quelques jours avant sa mort, il va avoir beaucoup de mental plus léger, puis il va être capable plus facilement de vivre l'événement qu'il l'anticipait plusieurs années à l'avance. Ça peut complètement disparaître dans le sens où, par exemple, vous êtes avec quelqu'un que vous devez rencontrer, vous devez le rencontrer et vivre avec lui pendant 6 mois, et que la séparation doit être dure. Si c'est dans votre programmation, donc vous devez rencontrer telle personne, au bout de 6 mois, vous le quittez. Eh bien, si vous avez eu une âme transmutée, 2 minutes, disons 20 minutes après, vous ne vous souviendrez même plus de la personne. Donc, l'événement sera moins douloureux. Oui, exactement, parce qu'en réalité, c'est la réflexion se rapportant à l'événement qui amène la souffrance. La mémoire. Exactement, la mémoire, dans le sens qu'on peut vivre un événement qui, justement, tu sais, quelqu'un qui vit une relation, ça dure une durée de temps, mais si la personne a le réfléchi pendant 20 ans, ben le surplus de souffrance psychologique qui est occasionné par le processus réflexif est beaucoup plus grand que la durée en tant que telle de l'événement. Et si par exemple vous devez re-rencontrer une personne, vous deviez re-rencontrer une personne 6 mois après, dans votre programmation, et que ces 6 mois étaient destinés à épurer toute la douleur de la séparation, ne l'ayant plus, vous allez pouvoir rencontrer la personne pratiquement tout de suite. Ah, ben là, ça veut dire qu'on modifie la programmation. C'est toujours la même programmation, c'est le temps qui est modifié. Ben, c'est-à-dire que la capacité d'absorption de la personne va altérer le rythme de son déroulement. Ça interdit. Oui, le rythme, oui, le rythme, c'est exact. Mais disons que la quantité est toujours la même, la quantité de OK. souffrance est beaucoup plus légère, mais la quantité et le nombre d'objets qui doivent être consommés est toujours le même. Il y a simplement le rythme et le temps, et le temps passé qui est beaucoup plus court. Donc, autrement dit, si une personne est capable d'intégrer l'esprit, dans le fond, le contact avec une capacité d'être neutre psychiquement, ben, ça va lui permettre sans doute, ben, j'allais dire accélérer les choses, mais c'est pas tout à fait ça, là, D'aller mais. plus vite, d'avoir davantage de temps pour son initiation. Exact. C'est sûr que c'est intéressant de voir ça comme ça. C'est sûr qu'à l'époque présente, ben, on voit que les choses s'accélèrent. Il y a beaucoup de gens qui vivent des prises de conscience. Ben, au niveau collectif, on le voit avec la mondialisation, les mouvements d'accélération avec le développement des nouvelles technologies, les téléphones intelligents, l'informatique. Donc, qu'est-ce que, par rapport à tout ce mouvement de mutation sociale qui semble s'accélérer, qu'est-ce que ça te dit intérieurement par rapport à ça? Le problème de ça, c'est que les gens ne le vivent pas au même rythme. Les gens gardent leur rythme de programmation. Et la technologie s'accélère parce qu'elle est automatique, parce qu'elle est guidée par des plans astraux, mais les gens, eux, sont toujours à la même vitesse. Et donc, ils se sentent submergés et ils se sentent obligés de devoir consommer beaucoup plus pour être dans une soi-disant programmation. C'est-à-dire qu'on se fait berner par l'environnement et on ne suit pas notre programmation intérieure, notre senti, notre conscience ne nous amène pas dans un mouvement de retenue et un mouvement de mesure. Nous amène dans un mouvement d'intérêt et un mouvement de rentabilité. On est resté encore dans le mouvement d'intérêt et de rentabilité. On a dans l'idée que c'est la quantité de gens, par exemple, à alimenter ou à donner du travail, prime sur le bien de tous. On remet en place des usines à charbon, on remet en place un tas de choses pour s'apercevoir qu'en fait, on donne du travail aux gens, on leur donne de l'argent pour qu'ils survivent, mais ça entraîne la pollution, donc ça entraîne la mort de davantage de personnes. Il y a un manque de logique qui fait que tout le mouvement, au lieu d'aller dans un sens d'équilibre et de perfection, va dans un mouvement de facilité et de après moi le déluge, de dire je fais ça et puis les autres feront ce qu'ils voudront. Moi, j'aurais tiré mon épingle du jeu, j'aurais gagné mon argent, j'aurais gagné ma vie. Certains commencent déjà à aller dans un système un peu plus responsable, je dirais, parce que il y a certaines grandes puissances qui ne jouent pas la responsabilité, d'autres qui commencent à la jouer, comme par exemple la Chine, où ils commencent à créer des forêts dans les villes, ils commencent à supprimer leur usine à charbon, ils commencent à d'autres suppriment les usines atomiques, d'autres suppriment. Il commence à y avoir un sens de responsabilité. Mais de l'autre côté, vous avez tout un système qui reste dans le sens de rentabilité, dans le sens ancien, et qui Oui, n'arrive pas à se détacher. exact. Ouais, exactement. C'est sûr que le capitalisme amène les gens justement à chercher le profit à tout prix, puis ça occasionne souvent des problèmes environnementaux graves là, par la suite. Et alors que le capitalisme, c'est une forme qui doit être dépassée. Pour l'instant, c'est une forme ancienne, c'est une mémoire. Il va falloir changer. Il va falloir qu'il y ait une suppression des banques. Il va falloir que les nouvelles banques soient reliées au bio et à la nature. Ce sera nos nouvelles banques. Ce sera nos nouvelles façons d'agir. Si l'on veut, il y en a qui commencent à renoncer à puiser du pétrole sous la glace de l'Antarctique, alors que certains attendent qu'il y ait un réchauffement climatique qui est volontairement fait pour pouvoir avoir de nouvelles zones de passage, pour avoir de nouvelles zones de forage, pour avoir. Il y a un manque d'intelligence qui est évident et qui est plus astral. Alors que il y a de l'intelligence dans un mouvement de mieux-être. On trouve les deux opposés. En fait, c'est toujours la guerre qui se fait, mais au niveau de l'écologie. Oui, exactement. Parce que c'est sûr qu'avec, entre autres, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, lui veut relancer l'industrie du charbon, lui dit que les changements climatiques, ça n'existe pas. Il est dans un mouvement très différent d'Obama et de certains précurseurs là, à la direction des États-Unis. Fait que des fois, on a l'impression que ça recule, puis des fois, on a l'impression que ça avance, comme tu parlais tantôt avec la Chine. Mais c'est pas évident. Mais la Chine commence à changer son fusil d'épaule parce que, à cause de la pollution, où les gens n'arrivent plus à respirer, où ils commencent à mettre des machines à aspirer la pollution parce qu'ils n'arrivent plus à pouvoir faire respirer leurs enfants, qu'ils ont de plus en plus de cancers, qu'ils ont de plus en plus de morts, de bronchites, qu'ils ont de plus en plus de pathologies pulmonaires. Comment appeler ça, une priorité de santé publique que d'arrêter la pollution. Ça devient la priorité pour le pays s'ils veulent pas que le pays s'effondre. Donc, on dirait que on vit, c'est uniquement la souffrance et le bâton qui font en sorte qu'on a une modification du comportement. C'est dommage que ça puisse pas passer par la carotte, puis le renforcement positif. Ce qui passe par la carotte, c'est que s'ils font un mouvement pour l'écologie et que ça passe par la carotte, ce sera tant mieux pour nous. Mais en général, c'est toujours l'inverse qui se passe. C'est les gens et les peuples qui souffrent, qui commencent à se révolter contre les dirigeants. C'est ce qui se passe chez nous. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont écrasés par les taxes et on continue à les taxer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la révolution qui se fait. Nous, on est un pays de révolution. La révolution ne va pas s'arrêter tant qu'on n'aura pas donné de l'argent aux gens. Les gens font des efforts pour avoir une forme d'écologie, une forme d'intelligence de vie pour survivre pour eux, pour leurs enfants, pour leurs descendants. Et ils s'aperçoivent que les gouvernements qu'ils ont élus ne respectent pas leur engagement. Ils ne respectent pas pour des raisons peut-être qui leur sont propres et qui leur sont justifiables pour éviter qu'il y ait un chaos, qu'il y ait une dette qui écrase le pays et qui fasse une faillite comme la Russie. Mais peu importe leur justification et leur justificatif, ils se sont engagés. Il faut qu'ils réagissent, il faut qu'ils aient la capacité et le courage et l'intelligence de s'entourer de gens qui n'aient pas peur du changement. Ce qui empêche l'homme d'avancer, son manque de courage vis-à-vis du changement. L'homme n'aime pas changer. L'homme aime garder ses anciens mouvements et il aime bien retrouver les choses à la même place. Ouais, ben, ça nous L'idée, ramène c'est aux mémoires. J'ai dit, ça nous ramène aux mémoires. C'est-à-dire que l'homme ancien qui vit en fonction des mémoires du passé plutôt que le vide mental. dans notre pays, il y a tellement de choses. Il y a le Sénat à supprimer, il y a certaines parties du gouvernement qui seraient à supprimer, qui seront jamais supprimées. Parce que personne n'a le courage de faire ça, par exemple. Je prends cet exemple-là, il y en a des cent autres, où on paye des gens 10 à 15 000 euros par mois, et qui sont jamais là, qui sont toujours chez eux, et qui sont par 1 000 ou 2 000 personnes, et qu'on pourrait donner pour alimenter des gens. Qui ont que 1 500 euros par mois pour survivre, alors qu'ils payent 800 euros de loyer, par exemple. Vous voyez les proportions. Donc, il y a des choses totalement stupides. Et tant qu'il n'y aura pas assez d'intelligence sur la planète, on ne pourra pas modifier le basculement. Il n'y aura pas de choses qui basculeront dans l'autre côté. Quand il commencera à y avoir assez d'intelligence, assez de courage, dans le sens. Quand je parle de courage, ce n'est pas tenir, ce n'est pas un courage mental, c'est un courage psychique. C'est-à-dire que, alors que le courage mental se donne un objectif et y tient coûte que coûte, le courage psychique, c'est faire et abandonner toutes les craintes qui vous empêchent d'avancer. C'est totalement différent. Oui, ben c'est pas être dans l'entêtement de l'ego, mais c'est plutôt d'être capable de suivre la vibration puis d'aller au-delà justement des craintes. C'est ça. C'est Mais abattre vos craintes. Au fur et à mesure que vous abattrez vos craintes, vous améliorerez votre vie. exactement. Mais sinon, étant donné que tu es en France, je voulais avoir ton point de vue sur le mouvement actuel là, des Gilets jaunes qu'on entend parler là, une fois de temps en temps ici au Québec dans les médias, là. Mais c'est ça, les gilets jaunes, au début, il fallait leur donner de l'argent, c'est tout. C'est ce qu'ils réclamaient fondamentalement. Maintenant, indirectement, ils ont fait. On leur a demandé ce qu'ils voulaient et ils disent une baisse d'impôts, mais ça revient au même. Arrêtez de nous prendre de l'argent. Donnez-nous du travail, arrêtez de nous prendre de l'argent. C'est tout. Et le pays a besoin d'argent pour fonctionner comme un grand. C'est-à-dire que le pays. A besoin aurait besoin de tellement de changements quand on sait que certains pays utilisent leurs déchets pour créer de l'énergie et qu'actuellement ces pays n'ont plus assez de déchets et sont obligés d'en importer des pays voisins pour pouvoir fonctionner, on se pose la question, pourquoi on ne fait pas pareil? On va vous dire, mais si on fait pareil, on va être obligé de supprimer certains lobbying, on va être obligé de supprimer certaines centrales nucléaires qui marchent avec certaines entreprises, on va être aussi obligé de supprimer des employés, mais ces employés, on les utilisera à autre chose. Il va falloir financer ces nouvelles usines, il y a un manque de courage, il y a un manque d'essai, un manque de départ, un manque comment dire, d'initiation. Le pays est là pour s'initier. On ne prend pas les qualités des pays voisins, des pays avoisinants. Il y a un prix Nobel qui a trouvé le moyen avec des lasers de supprimer la radioactivité des déchets. On continue à donner nos déchets nucléaires à des entreprises qui vont les enfouir. C'est de la stupidité. Et tout ça, alors. Quand vous vivez dans un pays stupide, vous avez envie d'aller vivre dans un autre pays, mais c'est pas votre programmation. Vous êtes obligé de vivre dans ce pays stupide et d'amener de l'intelligence à ce pays. Mais le problème, c'est que quand vous rencontrez des dirigeants, ils vous expliquent que en fait, vous avez énormément de pays arabes qui ont investi chez vous. Vous avez énormément d'argent de l'extérieur qui a investi chez vous et que vous ne pouvez pas les rembourser, si ce n'est vous rembourser uniquement les intérêts avec 80% des impôts que vous récoltez et que vous ne pouvez pas payer la dette, il y a un problème quelque part. Oui, bien, surtout que la plupart des pays sont tous endettés. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Tout le monde doit de l'argent à tout le monde. Éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir sans doute une crise économique, j'ai l'impression, pour rééquilibrer le tout, là. Il faut une crise, il faut que tout mettre à plat pour recommencer quelque chose. Et tant qu'on n'aura pas tout mis à plat, tant qu'on n'aura pas pris le coup de bâton, les gens ne feront rien du tout. Là, les gilets jaunes se plaignent de ne pas avoir d'argent parce qu'on leur en prend, parce que les retraites ne sont pas remises au niveau. Donc, les gens sont affamés, les gens n'ont plus de quoi se loger, on devient un pays pauvre. Il faut faire quelque chose, c'est tout. Et c'est ce que demandent les gens. Bon, qu'il y en ait certains qui soient un petit peu agressifs vis-à-vis des monuments, agressifs vis-à-vis de la police, parce que ça donne des petits coups médiatiques, parce que ça donne des petits coups politiques. C'est pas acceptable. Mais le fondamental, c'est que le pays est en souffrance. Exactement. Et ça m'amène à te parler des événements de fin de cycle, parce que Bernard de Montréal avait déjà abordé dans les conférences qu'il allait avoir des événements de fin de cycle par rapport à la civilisation actuelle. Et à ce sujet-là, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que pour l'instant, on n'est pas encore arrivé aux dernières limites, mais si on ne change pas notre façon de voir les choses, si on ne change pas nos mémoires et nos habitudes, si on ne change pas nos nouveaux mécanismes, si on n'adapte pas, parce qu'il faut bien voir qu'on nous donne les moyens actuellement de changer notre monde. Les intelligences type contact et d'autres nous donnent les moyens de changer notre monde. On fait réaliser à des scientifiques, je parlais par exemple pour le laser du dernier prix Nobel, d'arrêter la pollution des produits nucléaires, de modifier l'énergie en utilisant les déchets. Si on se prend pas en main pour faire ça, on va partir dans un chaos. Ce chaos nous amènera à faire ça, mais beaucoup plus tard, d'une manière beaucoup plus douloureuse, alors qu'on aurait pu le faire d'une manière beaucoup plus agréable. Petit à petit. Faut faire les choses petit à petit. Faut pas se lancer dans on va mettre 300 usines à déchets. C'est la stupidité. On commence par une. Quand il y en a une qui est rentable, on en fait une autre. Quand il y en a une autre qui est rentable, on en fait une autre. Le pays, nos dirigeants, on dirait qu'ils ne savent pas modifier leur habitude, ne savent pas. N'ont pas de courage politique, il n'y a pas de forme de courage politique. Il n'y a qu'une forme de vouloir satisfaire tout le monde. On ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Il faut que ce qui fasse en sorte, c'est que l'intelligence de nos dirigeants puisse s'appliquer pour le bien-être des gens qui les ont élus. C'est tout. Exactement. Mais souvent, les dirigeants cherchent à plaire au niveau de l'âme, donc à faire plaisir aux gens. Fait que tant qu'ils sont dans une dynamique d'âme, ben, ils ne peuvent pas suivre la vibration de l'esprit qui les amènerait à avoir le courage politique de mettre en place des mesures qui seraient impopulaires. Et c'est sûr qu'il va y avoir un effondrement. Ça part à l'effondrement. Parce que, comme je vous disais, on a les moyens et la technologie de modifier notre monde. On ne le fait pas, on sera obligé quand même de le faire. Que ce soit par la voie de la sagesse ou que ce soit par la voie de la souffrance. Exactement, ça devient à ce moment-là une fatalité. Donc, c'est sûr que le changement va se faire, c'est juste une question de temps. Mais de toute façon, C'est une question de temps. ouais, exactement. De toute façon, on le voit que la pression monte, en tout cas pour ce qui est des changements environnementaux. Je veux dire, dans le nord, la glace est en train de fondre présentement. Le niveau des océans est en train de se rehausser. Donc, il va y avoir des ajustements de civilisation à faire en relation avec ça, c'est sûr, là. Il y aura un équilibre qui va se refaire à notre niveau, mais cet équilibre aurait pu se faire sans en venir aux extrémités. On réagit, on nous fait réagir que juste au bout. On est des juste-boutistes. On va jusqu'au bout pour réagir. On ne veut pas réagir avant. Ouais, faut atteindre le bout du bout, pour employer une expression québécoise. Ouais, faut atteindre le bout du bout. Mais c'est purement un comportement stupide. Exactement, mais c'est sûr qu'avec le fait que de plus en plus de gens vont vivre la fusion avec le double, ben ça va éventuellement, j'imagine, créer des synergies, puis ça va amener des changements, puis ça va accélérer un processus d'évolution, là. Ben, faut attendre peut-être 50 ans. OK. Pour qu'on sente bien le mouvement, le changement. Pour l'instant, ce que l'on sent, c'est l'envie, ce que l'on voit, c'est le besoin, et ce que l'on constate, c'est l'incapacité. Ouais. Et que cette incapacité, que ce soit pour... C'est, à mon sens, pas une question de moyens. Ça, c'est faux. Faut arrêter de penser que c'est parce qu'on n'a pas l'argent qu'on ne peut pas faire. C'est parce qu'on ne veut pas faire qu'on ne fait pas. Ouais, exactement. Il faut pas être de mauvaise foi. C'est sûr que souvent l'orgueil, il fait en sorte que les gens vont masquer les vraies raisons, puis ils voudront pas voir la réalité en pleine face. Regardez, à Paris, le nombre de maisons qui s'effondrent parce qu'elles sont totalement insalubres, parce qu'elles n'ont pas été refaites. Les gens ponctionnent des loyers dans des locaux insalubres, à des étudiants, etc. Et personne ne les a obligés à refaire leur appartement. Personne ne leur a obligé à refaire leur immeuble. Les immeubles s'effondrent, les immeubles brûlent, tout se modifie jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et une fois qu'ils auront perdu tout, ben, ils perdront tout, parce que même l'assurance ne les remboursera pas. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que si les gens font preuve de négligence parce qu'ils ne sont pas proactifs pour se mettre en action pour régler les problèmes à mesure, ben justement, il y a des bâtiments qui s'effondrent ou il va y avoir des crises sociales aussi. Il y a des crises sociales chez nous, il y a de plus en plus de crises sociales. Il faut voir les gens, mais les gens deviennent agressifs, tout azimut aussi. Mais par contre, là aussi, les débordements sont faits que c'est un petit peu comme l'individu se croit obligé de se retourner contre les gens qui l'estiment être riche ou plus aisé que lui. Ça crée une micro-révolution sociale entre les gens. Le problème, c'est que ça, on ne peut pas trop l'empêcher. Et pour ça qu'il faut rapidement donner de l'argent aux gens, leur permettre de se nourrir, leur permettre de se loger. Parce que sinon, on va avoir une révolution entre les individus, Les classes sociales. les classes sociales. Ouais, ben exactement. Ben c'est sûr que pour ce qui est de l'Amérique, le pouvoir d'achat aux États-Unis. Dans le fond, il est stagnant. Ce qui arrive, c'est que les riches sont de plus en plus riches, puis l'écart entre les différentes classes sociales se creuse entre la population générale puis les très riches. Ouais. Et d'ailleurs, avec le sens de l'évolution supramentale, on a tous ces désirs et tout ça qui sont coupés. Tous les désirs sont coupés. Ça, c'est important à voir aussi, c'est que si vous rentrez dans le supramental, tous vos désirs vont être coupés. Que ce soit des désirs d'avoir de l'argent, des désirs d'avoir des voitures, des désirs d'avoir des bonnes choses, des désirs d'avoir des désirs de sexualité, tous ces désirs vont être coupés. Attendez-vous à avoir tous les désirs coupés. Et puis, jusqu'à la fin. Ah, mais à ce niveau-là, moi, ce que je percevais, c'est qu'il y avait une modification dans le sens que, en tout cas, en ce qui me concerne, mon expérience, c'est que j'ai encore des désirs, mais c'est plus pour la beauté, dans le sens manger de la nourriture qui est plus raffinée, comme des sushis, plutôt que de manger dans un fast-food. Il y a comme en tout cas, en ce qui me concerne, comme un désir de quelque chose de plus raffiné qui s'installe à comparer de ce qui Ça, était l'autrefois. c'est pas. Disons que on ne peut pas le considérer comme un désir, c'est plus une nécessité. Une nécessité de manger sain pour rester en vie, pour rester en santé. Tandis que le désir sera plutôt axé vers le McDo pour le goût. Or, vous allez avoir des coupures de goût, un peu comme vous allez avoir des coupures de mémoire. Quand vous allez vous retrouver à un feu, vous allez être devant le feu, vous allez voir passer au vert, vous allez plus savoir si c'est au vert ou au rouge qu'il faut passer. Ou alors vous allez plus savoir sur quelle pédale il faut appuyer pour démarrer, si c'est la pédale de gauche ou la pédale de droite, puis vous allez vous retrouver comme un abruti à écraser la pédale de frein pour essayer d'avancer. Et c'est tout ça au fur et à mesure, ça vous est coupé. Donc, tous ces systèmes-là, il faut savoir qu'on va les vivre dans le système supramental. Ça fait partie du job, ça fait partie de la loi, ça fait partie des obligations à vivre. Se retrouver en train de se faire klaxonner, pas savoir pourquoi, parce qu'on s'est arrêté en plein milieu de carrefour sans savoir pourquoi, ça fait partie du jeu des doubles. Vous mettre dans une ville, puis pas savoir où c'est que vous êtes, alors que c'est la vôtre, ne pas savoir où c'est que vous habitez, pas savoir où c'est que vous devez revenir, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, c'est insécurisant parce que quelqu'un vit ça, il peut commencer à réfléchir puis se dire, bon, est-ce que je suis atteint d'Alzheimer puis avoir peur? Non, parce que vous dites, mais vous dites à votre contact, mais à quoi tu joues? C'est où? C'est où que je vais? Vous lui posez la question, et puis il vous dit, va à gauche. Et puis vous allez à gauche, et puis là, hop, vous retrouvez des maisons que vous reconnaissez. Puis qu'est-ce que vous vous dites? Là, j'ai dû m'égarer. Et puis en fait, le lendemain, vous passez par l'endroit où vous étiez perdu, entre guillemets, et puis vous ne voyez aucune différence, c'est comme d'habitude. Oui, ben c'est particulier. C'est sûr que par rapport à composer avec le double au quotidien, puis les pertes de mémoire, ça fait partie, je pense, des enjeux que les gens qui vivent le contact avec l'esprit vont être de plus en plus confrontés là, dans les prochaines années, là. Disons qu'il vous fait vivre ça essentiellement pour vous amener à parler avec lui ou pour vous amener à prendre en compte la réalité de choses qui sont occultes. Parce que traiter l'occulte et quand je parle de traitement efficace de l'occulte et vous résoudrez les problèmes de la planète. Oui, mais en même temps, l'individu qui a accès à la conscience supramentale, il n'a pas un mandat spirituel de jouer au sauveur par rapport au problème de la planète. Je suis d'accord avec ça, mais quand je dis traiter l'occulte, c'est si vous voulez que vos idées intelligentes s'appliquent sur la planète, il faut enlever les obstacles qu'il y a au niveau de la manipulation. Il y a des gens qui sont manipulés. Vous donnez mandat à quelqu'un d'envoyer votre chèque pour telle association sociale, et vous apercevez qu'en fait, il n'a pas mis l'adresse sur l'enveloppe, parce que ça vous est renvoyé, et que vous aviez mis l'adresse derrière au cas où. Tout un tas de petites choses qui fait que les gens sont manipulés ou sont fatigués, et que sont pris dans un mouvement où plus rien n'a d'importance que ce que l'on va faire le week-end, ou fumer le week-end, ou boire, ou en ce moment, les enfants, enfin les enfants, les adolescents, l'activité principale, c'est de boire. Donc ils se saoulent jusqu'à tomber par terre, jusqu'à vomir, jusqu'à en être malade. Voilà, c'est l'activité actuelle des Français, des adolescents français. Ensuite, alors qu'auparavant c'était plus fumer du shit ou sniffer de la cocaïne, mais la cocaïne c'est très cher et donc il n'y a plus d'argent. Donc quelque part, le fait qu'il n'y ait plus d'argent permet aux gens d'être un peu plus sains. Parce Exact. qu'ils ne prennent plus de drogue dure, mais enfin bon, l'alcool, ils sont en train de le taxer. Et les grosses taxes qu'ils sont en train de mettre sur l'alcool, le fait que bon, ben, on va avoir aussi les adolescents qui vont se manifester. On a toujours des choses qui sont mises en place alors que ce n'est pas intelligent. Exactement. Mais sinon, au Québec, il y a eu la mise en place de la légalisation de la marijuana qui s'est faite il y a quelques mois par le gouvernement actuel. Donc, parce que vous, en France, c'est pas légal, hein, la marijuana. Non, OK. ils n'ont pas encore mis ça. Légal. Alors que si ça avait été légal, déjà ils auraient ramassé beaucoup d'argent. Mais ça aurait pas plu au lobbying pharmaceutique qui produit des produits comme l'oxycodone, comme tous ces produits morphiniques et dérivés morphiniques qui leur font gagner tellement d'argent. Oui, exactement, parce que les gens se mettraient à fumer de la marijuana à des fins thérapeutiques, ben, ils n'utiliseraient pas ces drogues-là. Voilà. Mais sinon, est-ce que tu avais une opinion par rapport à la légalisation de la marijuana qui s'est faite ici au Québec? Au début, c'est toujours l'envoûtement, le départ vers des extrémités, et ensuite ça se régularise. Moi, je suis pas inquiet pour ça. Ça se régularise. C'est pas parce que vous avez la possibilité de boire de l'alcool que vous allez le boire. C'est pas parce que vous avez la possibilité de fumer que vous allez fumer. Si vous n'avez pas envie, si vous le sentez pas, si ça vous fait tousser, si ça vous rend malade, si vous êtes assez intelligent, vous n'allez pas continuer dans ce mouvement-là. Quelque chose qui vous fait mal, vous le continuez pas. Vous continuez pas à vous taper les doigts avec un marteau si ça vous fait mal. Au bout Exact. d'un moment, vous allez arrêter. Exact. Dans le fond, quelques mois après que ça a été légalisé, en tout cas dans les médias, il n'y a pas eu de débordements là, qui ont été signalés là, majeurs, là. C'est sûr qu'on va voir au fil des années là, au niveau des statistiques, mais à part le fait que les succursales de vente de marijuana se sont vite départies. De la quantité qu'il y avait, là, dans le sens qu'ils ont manqué de marijuana à vendre parce qu'il y a eu trop d'engouement du public, mais à part ça, il n'y a pas eu rien de spécial là, à date. Tout le monde essaye, et puis ensuite, bon, ben, vous retrouvez face à votre astral. Si vous vous aimez bien baigner dans votre astral, vous allez y rester. Si vous n'aimez pas cette sensation, vous allez en éloigner. Si vous avez une programmation pour ça, vous allez le faire. Si vous n'avez pas la programmation pour ça, vous n'allez pas le faire. Il y a des choses que l'on fait. On n'a pas le libre arbitre, même si on pense qu'on a la capacité d'avoir le libre arbitre, on l'a pas. Donc, c'est fonction de ce qu'on doit faire, on le fera. Je suis pas inquiet là-dessus. Exactement. Donc, c'est sûr qu'on a fait le tour de plusieurs sujets aujourd'hui ensemble depuis le début de cet entretien. Et je voudrais à présent conclure la discussion, donc, qui visait à la base t'amener à témoigner là, par rapport à Bernard de Montréal, de ce que tu as connu de lui. Donc, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à Bernard de Montréal en terminant? Pour ajouter sur Bernard de Montréal, je dirais qu'il a amené un matériel énorme, un matériel hyper intéressant, mais il ne faut pas se bloquer sur son matériel, il faut en prendre connaissance, mais sachez que vous allez oublier tout le matériel qu'il a amené. Sachez que tout ce qu'il y avait à apprendre de lui, c'était la vibration. Tout ce qu'il y avait à apprendre de lui, c'était à gérer la vibration. On est sur la planète pour gérer nos vibrations, pour gérer nos sensations vibratoires, nos énergies. C'est uniquement les objectifs de vie, c'est gérer nos énergies, gérer nos vibrations et gérer les échanges, c'est tout. Suivez ce mécanisme-là et puis vous allez vous apercevoir que Bernard a été un grand novateur là-dessus. Oui, exactement. C'est sûr que pour ce qui est des conférences, c'est très réel ce que tu dis. J'en ai écouté plusieurs, puis après un certain temps, ben, j'oublie qu'est-ce qu'il dit. Puis là, des fois, je les réécoute. Des fois, il y en a une, le premier mystère cosmique, j'ai peut-être écouté 4-5 fois, puis je me rappelle toujours pas. Fait que y a un phénomène d'oubli là qui se fait quand c'est canalisé, là. Et moi, je m'aperçois que des fois, j'en ai écouté pour faire la sieste. OK. C'était fort agréable parce que je me rappelais de lui, puis je plongeais dans la mémoire, ce qui m'a mené à dormir. Ouais. Voilà. OK. Ben, excellent. Fait que sur cette note, écoute, Jean-Luc, je te remercie pour tout le temps que tu as consacré à cet entretien. Et puis, ben, je te dis à bientôt. Eh bien, je te dis aussi à bientôt et merci à toi aussi, David, et au plaisir de te re-rencontrer. Au revoir.